Salut tout le monde, c'est Saï, bienvenue à la 33e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et on est en pleine période de Saint-Valentin et donc forcément on va parler de maladies, de folies, de morts, des hôpitaux. Et donc on va bien s'éclater pendant cette émission. Mais avant cela, j'accueille, vous l'avez entendu, Majo. Salut Majo. Bonsoir Sei. Ça va bien ? Ça va très bien en cette période de Saint-Valentin, comme tu dis, gay. Voilà, t'as pas trop de fièvre, ça va ? Non, c'est bon. Tu te sens bien ? Je suis au top, j'ai mis mon petit masque donc je crains rien. Parfait. Ensuite, nous avons Lolo. Salut Laurent. Hello, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, feel the power of PlayStation. Yeah ! Salut Laurent. Ça me balance. Salut. De la punchline. Ouais, alors avant de commencer le thème de l'émission, on voulait commencer à parler de deux jeux qui ont été annoncés et d'un test. On va commencer par Down the Rabbit Hole. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. C'est pas un test, Down. Ah non, on commence par, par une news. Donc c'est. Oui. Donc, Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Je suis où ? On a donc récupéré le stagiaire de chez Sony. Et qui me parle ? Dans ma chambre. Alors, Down the Rabbit Hole, c'est un jeu du studio Cortopia Studio qui nous a déjà proposé Wands sur PlayStation VR. Donc c'est dans l'esprit de Alice au Pays des Merveilles, ça reste quand même féerique, hein. C'est pas une version plutôt glauque de Alice au Pays des Merveilles. Ouais, c'est pas American Maggie's quoi. Voilà, c'est ça. C'est un jeu qu'il faut pas confondre avec un autre jeu qu'on avait déjà cité il y a quelques... Bon, je dirais que c'est l'année passée, qui s'appelle The Rabbit Hole tout court, qui lui est un jeu de VR Monkey. À mon avis, il ne verra jamais le jour parce qu'on n'en entend plus parler, ou alors il va arriver... En tout cas, les deux jeux ne sont pas les mêmes. Donc y a bien, là, on parle bien de Down the Rabbit Hole. Le deuxième jeu, celui qui s'appelle The Rabbit Hole tout court, c'est plutôt horreur. Horreur dans l'esprit d'Alice, mais ça reste très sombre. Là, on est plus dans un jeu... Féerique. Un jeu féerique, bon enfant sympa, et de bonne alloi. Voilà. C'est plus une vue à la Mosse, hein. Celui-là où vous allez incarner Alice, vous allez tomber dans le trou, du lapin, ça me fait rire, mais bon. Et vous... Ah, tout de suite, hein, dans le grave. C'est très Saint-Valentin. Saint-Valentin. Ah, mais attends, on est en pleine Saint-Valentin, il fallait que de la tendresse. Aborder le sujet. Et donc, vous allez rencontrer tous les personnages principaux d'Alice, la chenille qui fume toute la soirée, toute la journée, le lapin fou. Il y a aussi le rapport d'échelle qui va être intéressant parce que vous allez manger les biscuits et puis votre petite Alice qui va se transformer en une Alice géante. Au niveau de la vue, ça reste du MOS, hein. Donc c'est vu, on voit notre petit personnage qui bouge. On peut changer les plans de caméra en bougeant la tête. Et donc c'est un jeu qui a l'air plutôt sympa. Niveau durée, c'est plutôt, à mon avis, ça va pas être très long comme on a l'habitude, hein. Ça va être un truc 4-5 heures quoi. Ça va être un truc dans ces eaux-là, peut-être même moins d'ailleurs. Mais en tout cas, il a l'air très très joli. On a déjà fait deux ou trois articles sur ce jeu, donc n'hésitez pas à aller sur le moteur de recherche du site et puis vous tapez The Rabbit Hole, vous allez y tomber dessus. Sur les deux jeux. Et donc. Sur les deux, oui. Et donc, il arrive, la date de sortie sur PSVR a été confirmée. Et ça sera, je ne sais pas, le 26 mars. Pas la date. Le 26 mars, oui. Voilà, c'est dit. Donc, ça arrive. C'est bien parce qu'en ce moment, on n'a pas grand-chose. Donc, oui, 2020 ouais. Bon. 26 oui, mars sur le PlayStation Store. Bonne nouvelle, à mon avis, c'est un truc qui peut être sympa, surtout en cette période de disette des jeux VR. Donc, c'est peut-être un renouveau. Est-ce que ce serait le début de l'enchaînement ? Parce que 26 mars, 15 mai, c'est assez proche. 15 mai, sortie d'Iron Man VR. Ouais. Mmh. Et puis après, ouais. Bon, en tout cas, il a carrément sa place dans le catalogue pendant cette période-là, ça c'est clair. Ouverture oui, voilà. Ouais. C'est bon. Il faudrait qu'ils ouvrent, justement. Et puis, c'est... c'est peut-être une même si c'est une expérience courte, ça m'a l'air sacrément bien fichu. Donc c'est joli en tout cas, ça a l'air plutôt joli. Il faut garder un œil dessus à mon avis, et je suis impatient de tester. En plus j'aime bien ce style, donc perso moi ça va me plaire, je pense. Taipei, ok, parfait. Ensuite nous avons Ven VR Adventure. Et ça a l'air d'être plutôt un jeu type Ratchet & Clank. Moi, ça m'a aussi fait penser un petit peu à... Ah bah carrément. Il s'appelle Lucky's Tale, un petit peu, c'est dans le design du personnage. Ça me fait plus penser à Astrobot. Hein. Astrobot ? Ah oui, bah oui, mais de toute façon, c'est un jeu 3D, un jeu de plateforme 3D. Tu trouves que le renard de Ven VR Adventure... Non, pas le personnage, mais le gameplay. C'est un jeu polonais. C'est un jeu polonais du studio Monologic Games. Et donc c'est un jeu de plateforme, tout comme Ratchet & Clank. Le personnage, c'est un Lombax, tout comme Ratchet & Clank. Il est roux. Il est roux comme Ratchet & Clank. Il y a énormément de points communs. Alors il y a pas de petits robots, donc c'est comme Ratchet tout court, on va dire, le Lombax. Et donc, par contre, le trailer, il faut le dire, il est plutôt joli. Et puis c'est bien fait, parce que les gros studios, finalement, si Insomniac m'écoute, eh ben ils ont qu'à nous sortir Ratchet & Clank en VR. Les petits studios, ils se jettent dans la brèche. Alors, c'est inspiré, c'est très inspiré même. C'est pas le premier d'ailleurs, parce qu'il y a toute une série de jeux qui sont inspirés. Mario Kart, hein, on a bien vu, on s'en est tapé deux, plus Dash Dash, ça fera trois. C'est les petits studios indépendants qui apportent ce que les gros ne veulent pas apporter. Donc c'est plutôt une bonne chose. Salaud. C'est eux qui prennent les risques. C'est ça. Comme souvent, de toute façon. Alors est-ce que derrière, ben ils vont peut-être, ça va peut-être réveiller les foules en se disant « Mince, ils nous ont piqué Ratchet & Clank ». Mais moi, je dis que c'est une bonne chose, parce que finalement, on attend et on ne les a pas. Donc, c'est bien que les indés, finalement, c'est eux qui font vivre le catalogue. Hein, donc. Mais c'est cool, parce qu'en plus, des plateformeurs comme ça, colorés, mignons, sur PSVR, finalement, il n'y en a pas des masses. Tu parlais de Lucky's Tale tout à l'heure. C'est bien vraiment cet esprit-là, quoi. Ouais. Il me fait vraiment penser à Lucky's Tale. Hein. Peut-être même un peu plus joli, parce que Lucky's Tale, il est quand même pas très... Il est net, hein, mais il est pas très détaillé, celui-là. En tout cas, les images qu'on a, ça a l'air très coloré, très fouillé. Ouais, c'est coloré, ouais, c'est surtout ça. Ça a l'air d'avoir une petite patte de niveau en niveau qui a l'air très très différente. Celui-là, franchement, il me hype carrément. Bah, sans le ray tracing et le HDR dedans. Ouais. Non, clairement. Non, c'est un petit jeu qui a l'air super sympa et qui bon, alors après c'est sûr que si tu commences à regarder même l'histoire, hein, tu incarnes un officier de police intergalactique avec une combinaison comme Ratchet. Tu te retrouves sur une planète où on a capturé certains de tes amis, il faut les libérer. Donc c'est vraiment très très très très calqué sur Ratchet et Clank, sur n'importe quel jeu de plateforme. Ouais, mais bon, là, on est vraiment... Enfin, je veux dire, tu enlèves le logo, quelqu'un qui ne connaît pas, qui voit l'image rapidos, il va se dire, tiens, ça, c'est du Ratchet. Je parle même des décors, c'est très coloré, c'est très... moi, tu vois, je suis en train de le faire en ce moment, et c'est vrai que c'est typiquement ça. Le Ratchet PS4, enfin... Ah, mais j'adore, qu'est-ce qu'ils attendent pour me le sortir en VR, bordel. Il est très, très beau, ce jeu, en plus. L'histoire est sympa, c'est un film d'animation, quoi. Franchement. Ah oui. Rien que la version HD qui était sur PS3, qui était ressortie sur PS3, était d'une beauté, d'une netteté, c'était incroyable, quoi. Ce qu'ils avaient non, moi là je te parle de la version PS4, origines, quoi, en gros. Ouais. Je te dis, même la version PS3 était vraiment bluffante. La version PS4, je l'ai pas moi sur PS4, donc je peux pas te dire. Il est très très beau. Et franchement, ça ferait un très très bon jeu VR. Donc, Là, ce serait top. Puis c'est un truc que tu refais plusieurs fois en plus. Et là, dans Ven VR, en plus, tu peux le caresser. Et ça, c'est l'apport de la VR. Caresser la crête. C'est ça. Ah, c'est pour ça qu'il a une grande crête. C'est juste pour attirer ta main. C'est très Saint-Valentin, ça aussi. On est toujours dans la Saint-Valentin, c'est ça. Ce soir, c'est sensualité. Voilà. Avec des animaux. Ouais, c'est ça. Jusque... Bon. Ok, très bien. Donc, Ven VR Aventure. Après le trou du lapin, caresser le petit Lombax. C'est ça. Caresse-moi le Lombax. Donc, on pourra caresser le Lombax à partir du deuxième trimestre 2020. Manifestement. Voilà. Et on a plutôt hâte parce que ça a l'air bien sympa. Moi, je me réserve le test, hein, d'ailleurs. Voilà, si je peux faire une petite. Ah, merci. Pourquoi t'avais pas envie? Non, si, mais c'est que ça me fera moins de travail. Ah, bah parfait. Oui, puis moi en plus je serais en plus je serais sur Walking Dead et sur Iron Man pendant ça, donc. Ouais, oui, parce c'est que vrai. C'est vrai que toi t'as de l'avance, ça y est. T'as déjà fait Walking Dead. Un petit peu d'avance, ouais. Et j'ai pas eu d'Iron Man encore. Et par contre, Laurent, lui, il a eu la chance de pouvoir jeter des trucs pendant un test. C'est Throw Anything. J'espère que je l'ai bien dit. Et ça, throw tu l'as testé. Anything. On s'en fout, il n'y a pas celle. J'ai tout compris. L'anglais pourri, on s'en fout. Throw Anything. C'est un jeu coréen de visual light. Donc bon, tout de suite, hein, c'est clair, ce genre de jeu, on sait tout de suite que c'est plutôt basé, plutôt des expériences que des vrais jeux interminables de 10 heures ou 15 heures. Mais alors, après la série de trucs de merde qu'on a eu, donc je dirais les Dino Island et autres Eclipse et compagnie, j'étais méga réticent. D'ailleurs, je savais pas trop si j'allais le tester. Et puis un soir, j'ai dit, bon, allez, hop, je le lance, je vais voir ce que ça donne. Et ben au final, c'est... je veux dire, c'est pas le jeu du siècle, ça, on va pas se mentir. Ah bah non. Mais c'est pas si mauvais que ça. Au contraire, c'est plutôt varié au niveau des décors, au niveau des couleurs. Il y a des boss à chaque fin de niveau. C'est plutôt vitaminé comme gameplay. Donc on s'ennuie, on n'a pas le temps de regarder le paysage. C'est vraiment quand il commence à monter, ça monte vite. Le niveau facile, parce que vu le paysage, le niveau facile, ben justement, ça rend super bien dans le casque. Le niveau facile, c'est quand même assez simpliste graphiquement. Ouais, ah oui, c'est du job simulator, hein. ça va pas plus loin, quoi, tu vois. Mais déjà, c'est super net, c'est pas aliasé du tout, et puis globalement, ça, c'est cohérent, je dirais. Y a pas, tu vois, autant Eclipse, qui n'est pas très compliqué aussi graphiquement, je trouvais qu'il y avait des incohérences par rapport au... Il y a des choses qui te choquaient, en fait. Des trucs, tu avais l'impression que c'était des objets qui avaient été récupérés dans une banque d'images 3D, qui avaient été ajoutés là, mais qui ne correspondaient pas à l'environnement du jeu. Et là, tout est cohérent. Les personnages vont avec les immeubles, avec le décor. C'est très cohérent, l'ensemble. Donc, il n'y a rien qui choque au milieu, quoi. Et donc, tu commences le truc, niveau facile, hein. Je me suis mis direct. Parce que déjà, le niveau facile, déjà, tu te dis, ah ouais, d'accord. Tu passes bien 2 heures, voire 3 heures pour finir le niveau facile. Et puis alors, niveau moyen, niveau compliqué, s'il y en a qui aiment le challenge, à mon avis, ils vont s'amuser un moment parce que ça va très vite. Et puis c'est super sympa parce que déjà, tu vas, comme le nom l'indique, donc tu vas leur jeter n'importe quoi pour éviter à des zombies. Toi, tu es à l'étage d'un immeuble, les zombies montent le long de la paroi de cet immeuble. Dès qu'ils t'ont atteint, tu as perdu. Donc toi, il faut que tu leur balances vraiment n'importe quoi à la figure, y compris la secrétaire qui va passer à côté de toi, tu vas la jeter. Sympa. Ah mais c'est vrai, tu jettes la secrétaire, puis c'est génial quand tu la jettes. T'as un bonus ou... Ah non, tu l'entends gueuler, elle tombe sur les autres. Alors la secrétaire, elle est super bien parce qu'elle t'en embarque 3 ou 4 sur la ligne. Alors ça, c'est pas très Saint-Valentin, les gars, par contre. C'est, hein, pas super. Mais... Jeter ta meuf par la fenêtre, c'est pas top. Mais la secrétaire, par contre, pareil. Après, elle revient et elle a le bras dans le plâtre. C'est dans ce genre de petits détails que c'est sympa. Donc après, tu la rattrapes, tu la rebalances. Et puis quand elle revient une deuxième fois, la jambe et le bras dans le plâtre. Et puis quand tu l'as balancée 3-4 fois, quand elle revient, c'est un zombie carrément. Donc elle peut te bouffer par l'arrière. Ah, mais tu peux plus l'acheter, du coup. Ah non, là, il faut que tu la butes. Faut que tu, ah ouais, faut donc que tu balances même ça, c'est finement pensé, en fait. Ah oui, c'est bien vu. Le principal inconvénient, c'est que le jeu, il est vraiment pensé pour tourner sur PC. Donc, c'est vraiment un gameplay à 360 degrés. Et on sait qu'avec le PSVR, on finit vite en saucissonné dans le fil. Ouais, d'accord. Donc il manque peut-être une touche sur le PS Move pour pouvoir faire une rotation 180 degrés rapide, parce que c'est vrai que quand il y est, alors moi en y jouant, j'arrêtais pas de bugner, parce que alors déjà, t'as les zombies qui montent le long de la paroi, qui se retrouvent face à toi, donc t'as tendance à faire marche arrière pour avoir plus de recul pour les buter, et si tu recules trop, tu te retrouves à taper dans ta table ou dans ton canapé. Donc il faut bien évacuer tout ce qui est autour, et donc certains niveaux où ils arrivent aussi derrière, donc ils arrivent devant, derrière à 360, où là tu vas être toujours tout stressé à tourner dans tous les sens, et forcément le PSVR, quand tu lui tournes le dos, la caméra elle a du mal à percuter, ouais, ça décroche un peu, c'est là où le jeu perd des points, parce que pour une petite expérience, c'est un truc plutôt sympa. Je crois que le prix était relativement élevé aussi. C'est ce qui m'avait calmé dans mon élan. Par contre, un truc comme ça à 10 balles, moi, je dis oui tout de suite. Ouais, il était à 28,99. Il était à 28,99 sur le store, sauf que 28,99 sur le store Europe, sauf qu'il est à 18,99 sur le store US. Donc il y a déjà une erreur de prix. Stagiaire encore. C'est comme ça. D'hab. Et même à 18,99 c'est trop cher pour ce que c'est. C'est un truc qui va prendre, allez, en 3 heures vous l'avez bouclé. Si le lendemain vous voulez refaire le niveau moyen et le niveau difficile, vous allez passer un peu plus d'heures parce que globalement c'est une sympa. Tech démo quoi. C'est un jeu à faire essayer à tes potes. C'est un truc à 10 balles, tu veux passer deux soirées sympas, c'est bien. Mais bon, t'as l'air d'avoir bien rigolé quand même. Ah ben oui, il y a des bons trucs. Les monstres sont un peu débiles, les boss sont énormes. Donc ça c'est aussi sympa. Quand tu les vois monter, t'as les boss, ils font la taille de l'immeuble presque des fois. Donc tu les vois. Et puis, ce qui est génial, justement, c'est ça aussi là où c'est très fort, c'est que au début, tu commences à balancer des guitares électriques, tu balances des assiettes. Alors les assiettes, tu balances une assiette par zombie. J'ai entendu ça. Et là, tu t'aperçois que tu n'as pas assez de munitions parce que tout ce que tu vas prendre dans ta pièce ne revient pas. Donc, si tu as tout jeté dès le début, tu n'as plus rien, tu te fais bouffer. Donc, après, ce qu'il faut faire, c'est prendre tes assiettes, tu les casses au sol, ça te fait 4 petits morceaux d'assiettes et tu balances les petits morceaux, ça te fait des munitions en plus. Peut-être des shurikens. Voilà. Ça aussi, c'est bien pensé, quoi. Et après, il y a un des niveaux où c'est que tu as un sabre laser. Donc, tu allumes ton sabre laser et tu les tranches dès qu'il commence à monter. Tout ce que tu me dis, du coup, tu vois, même si le jeu il est hyper simple, qui vend pas du rêve, c'est pas Call of Duty ou GTA, si tu veux. Enfin, tu sens que les mecs, ils ont quand même réfléchi dans le gameplay. Ah mais oui. Perso, j'ai mis 6 sur 10. Pourquoi j'ai pas mis 7? Parce qu'il y avait ce problème de 360 degrés. Mais franchement, c'est un jeu de niveau catégorie B. Donc je l'ai pas mis dans les expériences parce que ça dure pas non plus une heure. Il y a quand même un peu de gameplay, c'est un petit jeu. Mais il aurait mérité 7 si ça fonctionnait bien. Et franchement, c'est pas si mal, quoi. C'est un truc, tu te marres, quoi. Et en plus de balancer les choses, t'as pas que ça, parce que au bout d'un moment, tu vas t'apercevoir que si tu balances par exemple une chaise dans le mur, tu vas casser le mur de ton appartement, et derrière, il y a plein de pistolets mitrailleurs ou de grenades, de lance-roquettes, des choses comme ça. Et là, après, tu prends les armes, et là, c'est un shooter après. Mais c'est un jeu à score, du coup, non ? Ah oui. Et puis c'est rythmé, hein. Au début c'est tranquillou, tu t'attends qu'il monte, t'as le temps de. Après quand t'arrives déjà à niveau 3 ou 4, déjà tu te dis je vais pas chômer, quoi. Et au niveau de la musique, c'est quoi ? C'est une musique à la con, non ? Non, c'est sympa aussi. Très variées les musiques. Les différents mondes, tu commences dans une ville classique, on va dire la ville habituelle, quoi. Et puis après tu as un monde de nuit avec des zombies policiers. Tu as un monde grec avec, là tu as plus d'armes à feu mais tu as des arcs et des arbalètes. C'est plutôt sympa, franchement. C'est là où on parle souvent des notes, qu'il faut pas forcément c'est pas un jeu qui mérite un 9 sur 10 clairement, mais c'est pas non plus disons que tu l'as dit, c'est une expérience, mais c'est une expérience cool en fait, voilà. Ouais, c'est pas mal. Tu sens que c'est pas juste fait pour te donner l'impression que t'as des trucs à jeter. Non. À la folie, à des mecs. C'est pas comme Eclipse où tu t'aperçois t'as quand même, que. T'as quand même non, gameplay, là, quoi. Faut quand même faire marcher ton cerveau un peu. Oui, c'est bien parce que ça t'immerge encore plus. C'est ça, et ça fonctionne super bien. Et puis, en parlant de gameplay, quand tu vas balancer, il y a des moments où t'as pas assez de munitions, par exemple, et tu es dans une cuisine asiatique. Donc, tu vas jeter des bouts de tofu et des bouts de brocoli et compagnie à la figure, et tu vas t'apercevoir qu'il faut que tu envoies 4 morceaux sur la tronche aux zombies pour le faire tomber. Et bien après, tu vois à côté qu'il y a un congélateur. Donc, tu mets tes tofu dans le congélo, tu les laisses un petit peu, et quand ça fait jding, tu prends tes tofu, et là, ça te fait des tofu en glace, et là, quand tu lui balances un coup, et t'en zigouilles deux, quoi. Donc, il y a un frigo qui fait shting. Voilà. C'est bizarre comme frigo quand même. C'est un frigo-onde. Tu connaissais pas toi le frigo-onde ? Le frigo-onde, non, je ne pas. T'es pas bien équipé, t'es pas à la mode. Ouais, dans mon trou. Et t'as aussi des gants. T'as des gants, dès que tu vas toucher quelque chose, ça les transforme en glace. Donc avec ces gants, alors, t'as une durée limitée. Mais pendant le moment où t'as ces gants, tout ce que tu attrapes se transforme en glace. Et quand tu le balances, tu vas zigouiller plusieurs zombies en même temps. Quoi. Donc après, c'est à toi d'évaluer ta stratégie. Pour première partie, tu te fais lyncher. Deuxième partie, tu dis putain, là, j'ai pas réussi parce que j'ai pas fait ça. Troisième partie, putain, j'ai pas eu assez de munitions, donc je vais casser les assiettes avant. Et c'est toute une stratégie avant de commencer avant qu'il commence à monter, tu es déjà en train de préparer tes munitions en fait. Donc tu chômes jamais. Donc un jeu plutôt prenant quand même. Mais le seul gros problème aussi, c'est le prix. Le prix est aberrant. La caméra peut être gênante sur PSVR, ça c'est sûr. Hein. Mais non, il mérite la moyenne, il méritait son 6. Il aurait pu avoir 7 facile s'il n'y avait pas eu de soucis à 360 degrés. Mais globalement, c'est pas une mauvaise expérience. Clairement. D'accord, ok. Donc, throw anything. Essaye de le dire, toi. Throw anything. Yeah. Voilà. Donc, qui est sorti. Sinon, il y a Walking Dead, mais bon. Sinon, Walking Dead. Ouais, Walking Dead. Ouais. C'est pareil aussi, tu peux balancer des trucs à la gueule des zombies. C'est sympa aussi. Mais bon, ceux de Throw Anything font un petit peu plus peur quand même, je trouve. Ils sont un petit peu plus impressionnants avec leurs petits yeux qui s'illuminent et. Alors, leur sourire débile, très bizarre. Leurs yeux en croix. Mais tu sais qu'il y a des moments, il te fait flipper aussi celui-là. Parce que tu les vois pas arriver. C'est plus du stress. Quand tu tournes la tête et qu'il. T'es en train de regarder derrière et tu l'as pas vu arriver et tu te retournes et tu dis oh putain merde. Enfin, c'est pas de la peur, c'est tu dis merde, je l'ai pas vu arriver et l'effet de surprise. Ouais. Jumpscare. Jumpscare. Ok, très bien. Et ben donc c'était tout pour les jeux cette semaine. Au revoir. Bonne fin de journée et puis dans deux semaines et puis non. Donc on va arriver dans du coup le thème de l'émission, à savoir les applications médicales en réalité virtuelle et même dans le jeu vidéo en général. On voulait revenir un petit peu dessus parce que ces derniers jours vous êtes certainement tombé dessus. Il y a une vidéo en fait qui est circulée. Qui nous a en tout cas qui a entamé un débat entre nous dans la rédaction. C'est la vidéo d'une émission sud-coréenne qui s'appelle Meeting You, qui montre une maman qui a perdu sa fille et qui arrive à interagir avec et à la retrouver en fait en réalité virtuelle. C'est une application en fait, la petite fille a été modélisée et donc voilà, c'est très mis en scène, hein. Ça a fait beaucoup réagir sur les forums, dans les commentaires de plusieurs sites. Et nous aussi, ça nous a fait réagir. On se demandait un petit peu quelles étaient les applications autres que ça dans la médecine, dans les troubles, ce qui est utilisé dans les hôpitaux, etc. Donc on va en discuter un petit peu. Déjà, les gars, est-ce que vous avez vu cette vidéo et qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je l'ai vue, bien entendu. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'en pense ? Plein de choses. C'est moi qui commence, du coup. Bah, du coup. Bon, déjà, on va parler technique un peu. Alors, c'est quand même relativement bien fait. Graphiquement, bon, ça reste visiblement un environnement fermé. Mais au-delà de ça, la partie technique, c'est qu'ils ont quand même été chercher la voix de la petite, les mouvements de la petite, et tout ça a été reproduit. Je crois qu'ils ont mis, je crois que c'est un travail de 3 ans, si je dis pas de bêtises. Wow. Et puis le rendu final, il est quand même assez impressionnant. Bon, après on connaissait pas forcément la petite fille avant, mais quand tu vois la réaction de sa mère, tu te dis que quand même on ne doit pas être si loin que ça de la réalité. Et ce qui est incroyable, j'ai dit techniquement, c'est d'avoir réussi à faire un environnement cohérent ou avec une interaction en ayant récupéré en gros des archives, quoi. Et voilà. Après, je peux donner mon avis sur le sujet en particulier. Personnellement, je trouve que c'est bien. Parce que le deuil, c'est quelque chose de compliqué à vivre pour tout le monde. Et surtout d'un enfant. Donc je trouve que c'est bien dans un sens. Parce que je pense que c'est... Je me mets pas à sa place. Parce que... Enfin, j'essaye, mais je peux pas me mettre à sa place forcément. Puisque c'est pas mon cas. Mais je me dis que... Ça a forcément dû lui faire du bien à un moment ou un autre de revoir ça. L'aspect peut-être un peu pervers de la chose, c'est après. Comment elle va le gérer après? Est-ce qu'il y a risque de surdose? Est-ce qu'il y a risque de rechute? Est-ce que tu vois, enfin, il y a ce côté magique de revoir, mais il y a aussi ce côté s'habituer aux personnes qui sont plus là, quoi, qui sont parties. Bon, c'est vrai qu'on commence avec un thème, justement, et un sujet qui est un petit peu lourd. C'est la Saint-Valentin, les gars. C'est la Saint-Valentin, putain. Et du coup, ouais, non, je trouve... parler de porno, hein, là, ça. C'est fait vendre. Bon, on pense à la prochaine fois. je trouve ça très bien. Moi, pour ma part, je trouve ça bien. Après, on verra ce qu'en diront les professionnels du métier, les psys, et puis... Et puis la commu se fera son avis en fonction de ça, je pense. Les psys, ils sont tous occupés sur Fortnite. Avec les enfants de Fortnite. Avec l'addiction. Et toi, Laurent, tu l'as vu du coup ? Oui. Alors, je rejoins Majo en disant que ça peut être thérapeutique, on va dire. Mais à mon avis, ce genre de truc, il faut. C'est comme tu l'as dit, c'est moi, ce qui me dérange dans cette histoire-là, c'est que c'est un truc qui a été fait pour faire du fric et pour faire de la vue, dans le sens où ils ont quand même fait travailler une équipe de développeurs pendant 3 ans sur ce travail techniquement qui doit être quand même relativement balèze. Mais l'objectif, c'était faire de la télé-réalité et de mettre devant des millions de téléspectateurs une femme qui avait perdu son enfant, bien sûr en montrant la VR. Là, moi, où je pense... Pourquoi pas ce genre de truc, mais que ça reste, que ce soit, soit suivi par quelqu'un qui va le proposer en cas d'une grave dépression, ou soit si ça peut fonctionner, parce que ça par contre, on passe quand même dans limite, c'est même du domaine médical là où il faut faire attention, parce qu'il peut y avoir des abus là-dessus. Quelqu'un qui ne pourrait plus s'empêcher de mettre son casque pour voir sa fille tous les jours, et qui du coup n'aurait plus de vie sociale, ou inverse, ou quelqu'un qui va je sais pas moi ça peut être très traumatisant, ça peut aller très loin, et c'est là où je pense qu'il devrait y avoir des psychologues. Et c'est ce que je pensais la dernière fois, c'est qu'on a fait plusieurs essais, plusieurs tests de caméra 3D 360, et c'est marrant parce qu'en tant que père de famille, c'est le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai commencé à filmer mes enfants avec ces caméras-là. Parce que autant à 360 degrés, ça reste une image sphérique où tu peux tourner à 360, déjà c'est bluffant. Mais quand tu passes en 180 degrés en 3D, tu les as en face, tu tends le bras pour les toucher. Et sur un objet, c'est très marrant parce que tu visites un musée, tu filmes un musée, tu dis putain, j'ai envie de revoir ce musée, je vais le revoir. Mais en filmant tes films d'été en vacances, et puis de revoir finalement quand ta fille aura 20 ans, de la revoir quand elle avait 4 ans, et maintenant avec ces caméras-là, tu peux les avoir devant toi, quoi. Et j'ose même pas imaginer s'il arrive un malheur de ce genre-là. Est-ce que déjà tu vas de toi-même vouloir les revoir, ou est-ce qu'ils vont rester dans un tiroir? C'est peut-être toi qui à un moment va dire eh ben, écoute, pour faire le deuil, j'ai besoin de ça. Ou alors ils vont rester enfermés dans un tiroir et tu y toucheras plus jamais. Et c'est là où c'est quelque chose de tellement intime. Je pense que ce genre d'appareils sont plus adaptés pour faire de la VR. Je vais te couper, Laurent. Ça fait partie des mœurs des gens. Aujourd'hui, tu as des photos, tu as des vidéos. Enfin, je veux dire, quand tu revois des vieux mariages de quand tu étais jeune ou quoi, tu filmes avec ta caméra à l'époque, c'est un peu pareil. Tu revois forcément des gens qui sont plus là. Tu as la distance du support, tu vois. On est d'accord. Mais c'est pour ça que je t'ai dit que c'est dans les mœurs d'aujourd'hui. Après, Ren te dit que on passe un palier là. Ans, tu vois. On passe un palier hein, quand même. À mon avis aussi, comme ceux qui ont vécu la naissance de la photographie ou même de la vidéo. Voilà, c'est ça. Ce sont exactement la même chose. Voilà, c'est que voilà, là on passe un nouveau level quoi au niveau de. Bah c'est ça. C'est imagine. Fixer le souvenir, tu vois. Tu as été très marqué dans ta vie par un décès, et puis un jour tu es de bonne humeur, tu ouvres un tiroir et tu ouvres un bouquin et poum, il y a une photo de la personne décédée qui tombe. Tout de suite, ça, tu vas avoir un arrêt, hein, tu vas dire « Ah, Je m'attendais pas à ça. Alors imagine devant une vidéo en 3D. Ouais, mais là déjà. Alors excuse-moi, mais si tu tombes sur une vidéo 3D par inadvertance, franchement, t'es bon. Parce que, pour que le casque te tombe dessus, que ça allume tout et tout. Non, ça là, peut si être. Ça peut être sur. La vidéo peut être sur. La vidéo peut être sur ton PC. Dossier. Et voilà, tu vas dans ton dossier et tu tombes tu dessus. Tu vas dans ton dossier, tu passes dessus et tu tombes dessus, tu appuies dessus et puis boum, elle se lance. Et c'est, ça n'a pas le même impact, hein. Franchement, c'est... Mais là, C'est le truc qui m'a frappé sur ce genre de truc. Et pour c'est même au-dessus de la vidéo, c'est même au-dessus de la vidéo, là, il y a aussi interaction. Ah oui. Il y a interaction, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Mais disons que l'interaction... L'interaction, je pense qu'elle n'est pas... C'est pas elle qui aura le plus grand impact, c'est la après, présence. Après, ça sera toujours la même, quoi. Ouais. Et tu crois qu'il peut y avoir un patch avec des nouvelles maps et tout ça, ce genre de truc? Non, mais skin, finalement... Ouais, c'était pour remettre un peu de gaieté. regarde ce qu'ils ont fait dans cette application, hein, qui finalement, ils ont essayé de modéliser au plus proche la petite fille décédée. Ils ont essayé de lui récupérer sa voix pour que ça se rapproche le plus possible d'elle. Et avec une vidéo 360, tu as déjà ça. C'est même mieux qu'une application, parce qu'en face de toi, tu as quand même la caméra stéréoscopique qui te fait le volume et c'est filmé. Donc, c'est vraiment la personne en face. Tu as vraiment la vraie quoi, en face, avec la même voix, avec le même... C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'ils arrivent avec des boucles. Bon, après... Elle a forcément dû parler un paquet de fois, mais ils arrivent avec des enregistrements de boucles audio à reproduire sa voix et tout. Enfin, c'est assez incroyable. Enfin, après, techniquement, ce que je disais au début, c'est quand même très techniquement, c'est balèze. Hein. Ouais, pas de problème. C'est sûr. Mais après, il ne faut pas se leurrer. Hein. Les 30 ou 40 gonzes qui ont travaillé pendant 3 ans sur ce projet, ils se font un max de blé avec la diffusion de l'émission parce qu'ils savent que les gens, ils aiment bouffer la charogne. Dans ce genre de... Enfin, moi, c'est mon opinion hein, sur les téléréalités. Mais c'est ce que j'allais dire, ça dépend aussi. Encore une fois, de toute façon, chacun le prend comme il veut, hein, mais l'opinion des gens sur le sujet sera jamais le même. Tout le monde sera jamais d'accord. C'est pour ça qu'on en parle, hein, d'ailleurs, ouais. Ce soir. C'est que... moi, comme Laurent, c'est la mise en scène en fait, qui m'a un petit peu gêné après. le côté un petit peu voyeuriste. Voyeurisme. C'est de la télé, les gars. Enfin, c'est de la télé, c'est le média qui veut scénariser, ça. Scénarisé, c'est monté. Moi, je fustige pas non plus les sites qui ont diffusé cette vidéo-là. Ça fait du clic, ça fait des commentaires, parce que ça fait réagir, forcément. Ça nous fait même, nous, réagir. Sinon, on n'en parlerait pas pendant cette émission. C'est clair, tout à fait. Et donc, voilà, ça a le mérite de... On sait maintenant que ça existe. Cette mise en scène larmoyante m'a un petit peu gêné. Je trouve que c'est quelque chose d'intime, qui doit rester aussi dans l'intime. Et je sais pas après les répercussions que ça peut avoir psychologiquement sur des personnes qui sont déjà fragilisées un maximum quoi. Tu parles d'intimité, mais elle y était. Hein. Elle avait son casque VR, son casque audio. Elle était totalement dans l'intimité. Elle voyait pas ce qui se passait autour d'elle. Donc c'est. Le voyeurisme, c'est les gens qui regardent l'émission. C'est pas. C'est elle, non, non, elle, finalement. Je sais, mais quand. Comment t'expliquer ? C'est pas une expérience... Si tu vois des gens autour de toi, autre que la reproduction de sa fille et elle, si tu veux, l'impact ou la... Si elle l'avait fait en réalité mixte, je pense pas que ça aurait eu le même impact parce que... Eh ben non, parce que déjà, elle serait transparente. Le fait d'avoir... Ouais, mais le fait d'avoir des gens autour de toi, l'isolation n'est pas la même. Enfin, c'est vrai. Nous, on le sait. On sait ce que c'est d'avoir un casque vert sur la tête. T'oublies... moi, je mets toujours... cette image en avant, c'est que tu commences à jouer, il fait jour, t'arrêtes de jouer, il fait nuit, et tu t'en es pas rendu compte, si tu veux. Et c'est très très impressionnant quand t'enlèves le casque les premières fois que ça t'arrive. Et c'est juste pour expliquer vraiment le sentiment d'isolement, de déconnexion, pas d'isolement, mais voilà, d'ambiancement que tu peux avoir avec un casque VR. Et ça rajoute au fait qu'elle ait donné. Tout ce qu'elle avait d'émotion à lâcher à ce moment-là, si tu veux. Mais je pense qu'elle l'a vraiment vécu en occultant le fait qu'elle était filmée et tout ça. Enfin, voilà. Et après, ouais, voilà. Par contre, le voyeurisme des gens autour, oui, forcément. Mais t'es un peu obligé, de faire la promo de ce genre d'expérience pour pouvoir le faire partager aux autres, quoi. C'est une nouvelle technologie, c'est... C'est tout neuf. La technologie en elle-même, ça attire, hein, parce qu'il y a d'autres émissions qui ont mis en scène de la réalité virtuelle pour faire d'autres choses. Il y a des curieux qui ne savent pas ce que c'est, qui regardent ça parce que forcément, c'est un sujet nouveau. Et Après, c'est quel usage on sait que ça va. On est typiquement dans ce que je disais, on est typiquement dans Tom Cruise dans Minority Report qui a perdu son fils et qui finit finalement tout seul dans son appart à se droguer. Et dès qu'il a pris sa dose, il lance son hologramme de son fils et il reste devant. C'est du Black Mirror, on est typiquement là-dedans. Et on y va. Et c'est une nouvelle façon de. C'est une révolution même pour au niveau du média. Donc après, ben, il y aura des excès. Il y aura des gens qui vont plutôt. Il y a des gens qui vont plutôt bien s'en servir pour se sortir du trou et des gens qui vont encore plus s'enfoncer avec ce genre de choses. Il faut être accompagné en fait pour ce genre de choses. Il faut vraiment être accompagné. C'est le plus important. Il y a un suivi obligatoire. Il ne faut pas laisser juste une personne comme ça toute seule à gérer ce genre de choses. Dans ces situations-là, le plus important, c'est d'être accompagné, quoi qu'il en soit. Donc, est-ce que justement, on va y avoir une réglementation si ça se diffuse vraiment on parle pas de l'année prochaine, hein, mais dans 10, 20 ans, on ne sait pas, hein, selon comment la réalité virtuelle va se développer. Il y a certainement plus d'expériences comme ça qui vont venir. Ah ben, tout ce qu'on peut imaginer va exister. Donc là, je dirais qu'on touche quand même un des extrêmes, c'est toucher la famille et la mort, surtout la mort d'enfants. Mais dans ce cas-là, ce sera peut-être à la suite du décès qu'il faudra orienter les personnes vers des professionnels qui vont leur conseiller ou pas en fonction d'utiliser ce genre de choses. Mais on sera carrément dans un avenir proche avec des gens, enfin c'est comme ça que je l'imagine, avec des gens qui auront déjà des caméras 3D, qui auront déjà des casques, qui seront des lunettes peut-être, voire même des lentilles. Et donc ce sera acquis à n'importe quel âge. Il y aura la question est c'est un peu comme nous on a vécu. Est-ce qu'on revisionnerait des vidéos de personnes décédées? Il y en a qui ne le feront pas, mais là, l'impact que ça a quand tu n'es pas forcément. C'est le truc où c'est que tu vas rester coincé dessus et que tu veux. Le premier soir, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps et puis faut pas s'enfermer là-dedans en disant je vais passer plus de temps avec. Et c'est là où tu vas te décrocher de la réalité et voilà. Après, est-ce qu'il n'y aura pas forcément de professionnels qui seront là pour te. Pour, c'est aux gens de savoir s'ils auront la force pour se sortir de ça. C'est compliqué. Est-ce que ça va leur faire du bien ou Est-ce que vous l'avez vu cet épisode de. Ce qu'on s'appelle Black Mirror. Je crois que ça s'appelle San Junipero. Où en fait, alors je voulais rebondir en fait en disant, est-ce que ce serait pas le secret de la vie éternelle ça? Et dans San Junipero, en fait, dans cet épisode-là, il récupère le cerveau et l'âme des morts en fait, et ils le mettent dans une espèce de grosse base de données sur serveur. Tu choisis l'époque où tu veux aller, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Et en fait, non, je suis pas sûr. Mais en fait, ils vivent, enfin les morts du coup vivent, mais sur un serveur. Je trouve ça intéressant dans le sens où tu pourrais peut-être interagir avec ces personnes-là, si tu veux, par le biais de la réalité virtuelle. C'est un thème aussi qui est abordé dans Soma, pour revenir aux jeux vidéo. C'est à peu près la même chose, c'est un espèce de serveur où ton âme reste, en fait. Ouais, c'est Le cimetière 2.0 où tu peux discuter avec les... C'est ça. C'est ça. Oui, non, mais pourquoi pas. Après, il y aura des excès... Il y aura des excès comme tout, quoi, mais pourquoi pas. Mais tu sais, c'est pas. Alors attention, t'as pas ça à la maison. Bon, après, c'est toujours pareil. Oui, c'est des centres. Mais voilà, c'est ça. C'est des centres de données où tu as les âmes des gens, en gros, et qui sont stockées sur des serveurs. Quoi. Et l'âme est-elle une donnée, une data informatique? Ça, on ne sait pas pour l'instant. Non. Donc, ça, encore, ça reste. Plutôt de la science-fiction. Non, mais tout à fait. Non, mais c'est pour ça que je te dis, si tu veux pousser la réflexion assez loin, tu peux te dire que tu peux arriver à communiquer avec des défunts avec ça. Quoi. Ça peut être un début aujourd'hui, tu vois. Moi, je pensais que tu allais rebondir sur un autre épisode de Black Mirror. Alors, par contre, j'ai pas lu tout le titre. Hein. C'est une entreprise en fait qui propose de mettre une simulation en fait, une IA d'une personne décédée dans un avatar. Ouais. Et ce que j'ai bien aimé justement dans le traitement de cet épisode là c'est l'espèce de rejet qui se fait au fur et à mesure, Ouais. Déjà au départ, donc c'est une femme en fait qui perd son petit ami et le fait revenir par le biais de cette entreprise-là. Et en fait, au départ, elle est plutôt incrédule. Elle se fait un petit peu avoir. Elle se fait, elle se persuade elle-même que ça pourrait marcher. Et puis à la fin, il y a une espèce de rejet au fur et à mesure. Son côté artificiel qui l'insupporte. Parce qu'en fait, je crois que c'est qu'il évolue pas, c'est-à-dire qu'il est bloqué à toute la période de sa vie avant sa mort. Enfin, c'est exactement toute la période de sa vie, du coup, jusqu'à sa mort. Mais il n'y a pas d'évolution dans le personnage, en fait. C'est exactement la même chose, justement, avec la vidéo. Je reviens sur la vidéo de l'émission Meeting You, justement, où il n'y a pas d'évolution possible. En fait, c'est une boucle. C'est une boucle. C'est ça. Ouais. C'est encore la barrière qui. Ouais. Qui protège un petit peu la personne qui va vivre cette expérience-là, quand même, je pense. Enfin, j'ose espérer toujours. Ouais, de toute façon, il faut une limite, ouais. il faut forcément le contenir, ce genre de truc, c'est obligé. C'est là où la VR a des utilisations complètement folles, autres que le jeu vidéo, et on va voir d'ailleurs, même au niveau médecine, quoi, il y a des trucs... Bah très bien, très très bonne transition, Laurent, merci. Bien ouais. Alors, on va pas du tout être exhaustif, on n'est pas médecin, t'es pas médecin toi, Laurent? Non. Ouais, je crois qu'on lui a déjà posé la question. Non. Toi, Maggio, t'es pas médecin, non, c'est bon. Non, pas du tout. Une fois, j'ai parlé du coronavirus sur Twitter. On m'a traité de médecin, mais non. C'est ça, on t'a posé la question, tout à fait. À part mettre des pansements, voilà, c'est déjà pas mal. Donc voilà, on va pas du tout être exhaustif. On sait absolument pas ce qui se passe dans les dernières technologies, dernières mises à jour, dernières applications médicales qui ont un rapport avec la réalité virtuelle. Mais on voulait quand même échanger sur certaines pistes, en tout cas, ce qui est déjà utilisé dès à présent. Par exemple, ça peut aider dans certaines applications pour la méditation, pour commencer soft. La méditation, des applications de yoga ou alors de détente. Il y en a eu un sur PSVR, non? Déjà. Et juste, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. C'est Mind Labyrinth. Je crois que c'est ça, ou c'est sur la plage ou à la montagne. Oui, mais il y en a eu même plusieurs. Il y a eu T'en as eu plusieurs. Et tu as Mind Labyrinth et tu en as un autre. Anything. Anything, ah, peut-être bien, ouais. Ouais, ou c'était des vidéos. C'était la vidéo, par contre, dessus. Il y avait Nature Trek qui devait sortir, qui était dans le même esprit. Il y a quoi d'autre? Il y en a eu plusieurs des comme ça. Au tout début du PSVR, il y en avait un autre, je me rappelle, j'ai bouffé le nom. Mais il y en a encore. Ouais, c'est des petites expériences contemplatives où tu n'as pas trop d'interaction. C'est des environnements. C'est des environnements de plage, des environnements très relaxants. Et puis tu te mets à la place du mec qui vit dans une mégalopole et qui sort du métro, qui rentre chez lui le soir dans les bouchons, et qui est dans un petit appartement au Japon qui fait 3 mètres carrés. Et qui arrive, il met son casque et il se retrouve à la plage dans des étendues magnifiques, grandes. Et tu peux faire des séances de yoga, tu peux faire des séances de relaxation. De toute façon, 3 mètres carrés, il ne pourra pas faire mieux. Oui, voilà, mais c'est... Je dis le Japon parce que les apparts sont plutôt petits là-bas, mais partout, les gens... Les citadins qui n'ont pas la chance de pouvoir sortir, faire une petite balade à l'extérieur, qui vivent vraiment dans des zones très urbanisées, je comprends qu'ils rentrent le soir et qu'ils se disent « Tiens, je vais me mettre sur le tapis, je vais me mettre en relaxation et puis je vais mettre ça et je voyage un peu. » Voilà. Et apparemment, il y a en tout cas, je ne sais pas si on peut appeler ça un public, mais en tout cas des gens qui sont en situation de stress, qui ont du mal à gérer. Il y a des solutions qui leur sont proposées. Donc ouais, je parlais de Mind Labyrinth parce que celui-là je l'avais testé et effectivement en fait c'est pas un jeu à proprement parler, c'est pour ça que j'avais bien galéré pour faire le test. Je lui ai même d'ailleurs pas donné de note parce que c'est pas une expérience à laquelle tu peux donner une note, en fait ça dépend des besoins que tu as et comment tu la ressens. Et tu as aussi Deep VR qui est dispo et qui est utilisé pour que les patients puissent se déplacer dans un environnement sous-marin. C'est utilisé en fait pour vraiment gérer ta respiration, gérer ton environnement et te calmer surtout. Et vous en pensez quoi? Vous seriez plutôt... Je suis pas contre ce genre de truc. Au contraire, il y a quelques années, je faisais pas mal de plongée. Et c'est vrai que quand tu alors c'était en niveau débutant, hein. Mais quand tu sors en mer et que tu as 10 mètres de flotte ou 15 mètres de flotte au-dessus de toi, en plongée, tu as souvent tendance à faire plutôt de la claustrophobie, Pourtant, tu es dans des grands espaces, mais tu sens cette masse de l'eau et tu peux paniquer. Et si tu paniques, tu vas respirer, tu vas bouffer tout ton oxygène dans tes bouteilles. Donc, les exercices que tu fais en général en piscine, c'est pendant une heure, tu mets les bouteilles et tu vas aller au fond de la piscine et tu vas faire du yoga sous l'eau pendant une heure, voire même des siestes. Tu dors pendant une heure sous l'eau. Et ça s'apprend parce que les premiers temps, respirer. Je savais pas que c'était possible, tu vois. J'ai jamais pensé. Disons que c'est là où tu t'aperçois que au début, les premiers cours, où tu vas t'apercevoir quand tu descends avec ta bouteille, tu vas tout de suite stresser parce que tu respires pas normalement là-dedans. Tu forces pour respirer. Et au début, tu as l'impression de ne pas pouvoir respirer, en fait. Et c'est avec le temps, dans ces exercices-là, où tu oublies que tu as des difficultés à respirer, et puis tu commences à te relaxer, et puis tu commences. Et c'est là où ce genre d'expérience, finalement, c'est le mental qui fonctionne. C'est pas parce que tu respires toujours aussi difficilement quand tu es sous l'eau dans une piscine que quand. Et c'est là où ces expériences qui t'emmèneront dans d'autres environnements peuvent te détendre, parce que tu vas dire, bon, allez, là, je suis stressé, je fais de la tachycardie, je fais un gros coup de stress. Je me fous le casque, je me retrouve sur une plage des Seychelles, et puis je me détends, je mets ma serviette, je me pose à côté de mon radiateur, j'ai l'impression que c'est le soleil qui me chauffe et tout. Et tu peux très bien te détendre comme ça, artificiellement. C'est vraiment le au niveau mental, si. Moi, je suis convaincu que ça peut avoir une utilité. Ça peut marcher. C'est pour ça que tu as un mental d'acier, Laurent, en fait. Ouais, c'est ça. Mental d'acier. Des mini-zombies. C'est comme ça que j'arrive à tuer tant de zombies dans Through Anything. Des tons de secrétaire. C'est beau. Voilà. moi, ce que je voulais dire du coup là-dessus, c'est que ça, et tu l'as très bien dit, Laurent, d'ailleurs, ça agit directement sur ton cerveau, en fait. Ça te donne l'illusion, et c'est fait pour justement jouer avec cette illusion. Et soit, comment dire, te mettre dans les mêmes conditions. Donc, tu parlais de Deep VR. Donc te mettre dans les conditions quasiment réelles d'être sous l'eau et de t'entraîner avec ça. Après, bon, t'as pas la pression de l'océan, t'as pas non plus la sensation de l'eau et tout ça, mais c'est vraiment, tout est fait pour jouer sur le visuel et inciter ton cerveau à retrouver les sensations du réel et à te faire t'adapter et t'entraîner avec, quoi. Mais c'est ça la magie de la VR, de toute façon. La magie de la VR, c'est que ça peut guérir toutes nos phobies cérébrales. J'allais y venir aussi. C'est vraiment ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu parles quand tu es à 10 mètres, 15 mètres, Herbie qui fait énormément de plongées, parce qu'il était niveau 5 en plongée, il pourrait en parler aussi, mais quand tu es à 10 mètres de profondeur, tu n'as pas plus de pression de flotte que quand tu es à 1 mètre. En fait, c'est ta tête qui déraille. C'est que tu te dis putain, j'ai du mal à respirer, putain, je suis sous l'eau, putain, et tu paniques, en fait. Et c'est ce panique, comme quelqu'un qui a le vertige, comme quelqu'un qui a la claustrophobie, comme quelqu'un qui a la peur des araignées, finalement, l'araignée, elle va pas te bouffer, quoi, mais tu en as peur. Et c'est à ce moment-là où le cerveau déraille et où la VR peut vraiment aider, à mon avis, à se sortir d'un tas de phobies à la con, parce que tu t'entraînes à te retrouver. Le problème d'une phobie, c'est que quand tu as eu une mauvaise expérience une fois, en général, tu n'y retournes pas. Tu dis, ah non, moi, je vais pas faire ça, j'ai le vertige. Alors qu'en VR, tu vas te dire, j'ai le vertige, mais je vais quand même faire de la montgolfière en VR, je vais quand même faire ça en VR. Et puis petit à petit, tu t'y habitues, puis à la fin, tu dis, non, ça me fait plus rien. Puis au final, peut-être tu vas prendre tes affaires, tu vas dire, cette fois, je vais monter dans une vraie, quoi. Ben justement, donc là aussi, il y a donc, les applications qui sont là pour traiter des phobies des patients. Et c'est, j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est plus la confrontation à la peur du patient qui permet justement de la dépasser. Comme tu viens de le dire, Laurent, c'est-à-dire en fait, t'arachnophobe, on va te mettre des araignées sur ton bureau, tu ne devras pas bouger les mains, et puis tu as les araignées qui vont commencer à venir se rapprocher au fur et à mesure. Voilà. Tu sais, la peur, souvent, elle est réduite au fait que tu as peur parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver ou comment réagir ou ce que tu as en face de toi, en fait. C'est la peur de l'inconnu, grosso modo. Et le fait de te mettre en face de manière régulière, en fait, tu n'es plus face à l'inconnu, du coup. Tu es habitué. Donc, du coup, l'inconnu devient connu et tu n'as plus peur. C'est beau ce que j'ai dit, quand même. Non, c'est magnifique. La phobie, même, c'est encore plus que la peur. C'est-à-dire que ça t'immobilise complètement. Ah, c'est un blocage, c'est un bug système. C'est ça, c'est vraiment un bug, hein. C'est l'étape supérieure de la peur, hein, parce que tout le monde a peur des serpents, en fait. C'est un espèce de... C'est une idée reçue qui t'est inculquée de génération en génération aussi. Et c'est un système de défense, voilà, plus ou moins rationnel et plus ou moins voilà, dans tout ce qu'on t'a appris depuis des années. T'es conditionné pour ça, en fait, pour avoir peur. Mais ouais, c'est pas pour ça que quand tu vas voir un serpent, tu vas rester bloqué et à plus pouvoir bouger. Moi, je sais que ma mère, elle est en face d'un serpent, elle ne bouge plus, elle ne peut plus bouger, elle est tétanisée. C'est impossible. Donc voilà, peut-être la phobie. Donc du coup, je pense que les premières séances dans ces applications en réalité virtuelle sur des gens phobiques, ça va être quand même extrêmement saisissant, quoi. Et c'est là où le sans fil a son importance. Aussi. Parce que là, il t'embarque la télé. Ah, c'est ça. Parce que l'intérêt aussi de la VR, c'est de pouvoir te mettre devant des situations de danger et des choses qui te tétanisent, mais sans qu'il y ait aucun problème, sans qu'il y ait aucun danger, justement. Parce que toujours la même chose, t'es aussi très, très encadré dans ces cas-là. Ah bah, carrément. Puis quand tu fais ça en VR, t'es aussi rassuré, parce que au départ, quand tu commences à faire l'expérience, tu sais que t'es en VR. Je suis vraiment pas sûr. Je te dis au début, c'est quand t'enfiles ton casque. Déjà, la démarche d'enfiler ton casque, tu sais que c'est pas vrai, si tu veux. Après, c'est une fois que t'as la vidéo devant toi ou ta phobie devant toi, c'est à ce moment-là où effectivement tu vas le gérer de manière différente. Mais tu as déjà quand même la démarche de mettre le casque et de te sentir rassuré, parce que la situation n'est pas vraiment celle à laquelle t'as peur, si tu veux. Après, une fois que t'as le casque, de toute façon, t'es devant, donc t'as plus trop le choix. Faut voir le niveau de phobie de la personne. Dans ce cas-là, la maman ne pleurerait pas devant sa fille. Ça touche des émotions. Bien sûr. Mais après, c'est vrai que quelqu'un devrait. Moi, j'en connais pas des gens qui seraient capables de. Je sais pas, mais devant une souris, qui seraient capables de sauter d'un immeuble parce qu'il y a une souris dans la baraque, quoi. Dans l'appartement. Mais il y en a certains, c'est le cas. Donc ces gens-là, c'est pareil, quoi. Il y a plusieurs degrés, ouais. Ça peut être très très grave. J'avais lu un truc sur les médecins qui faisaient des trucs sur la. Genre, je sais plus ce que c'était. C'était le vertige ou si c'était plutôt des phobies. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est à petite dose. Richie Planck, qui est une expérience sur le vertige, justement. Oui. C'est marrant d'ailleurs comme c'est foutu, parce que Richie Planck, quand tu prends le jeu, il y a une petite vidéo qui t'explique comment fabriquer toi-même ta planche. Donc oui. il te donne des dimensions que je m'étais amusé à faire d'ailleurs. Donc tu découpes ta planche qui doit faire, mettons, 20 cm de large sur telle longueur. En plus, ils disent ce qui serait bien, c'est que votre planche ne soit pas parfaitement plate pour qu'elle puisse bouger sous vos pieds. Donc tu essaies de trouver une poutre. Truc de salaud, ça. Et c'est marrant parce que n'importe qui. Tu mets des roulettes dessus. N'importe qui, tu lui dis de marcher sur une planche comme ça, quand elle est posée au sol, il va y aller tranquille. Tu le fous entre deux tours à 50 mètres du sol. Il y en a je ne sais pas combien qui sont incapables de marcher sur la planche, alors que finalement, c'est la même action. Mais dans ce vide-là, tu vas tomber. Forcément, tu tombes. Et avec cette expérience VR, c'est exactement ce que ça te fait. C'est qu'au début, tu vois la planche, tu fais des allers-retours, t'es tranquille, tu mets le casque, pouf, oh merde, c'est haut. Et là, d'un coup, sur la planche, bah, tu fais des tout petits pas. Ouais, c'est ça. Et c'est un truc de fou. Et en répétant cet exercice, finalement, tu t'aperçois que ça aide, quoi. Disons que tu restes pas tétanisé après sur ta planche, mais tu n'irais quand même pas à 50 mètres de hauteur sur une planche de 20 cm de large, quoi. Alors, c'est sûr que non. C'est sûr non. Que non. malgré ça, non. Mais je parle même après 5 heures tour de jeu. Je parle plus de personnes qui vont par exemple au ski et qui vont se retrouver à suer sur un télésiège ou des choses de la vie simples, de prendre un périphérique ou un téléphérique plutôt, ou un merde, comment ça s'appelle, à Lyon là, pour monter à funiculaire. Voilà, le funiculaire, des choses comme ça qui vont suer pour des trucs simples, tout ça, ou à Grenoble, quand tu traverses à Grenoble avec les œufs pour monter. Quand tu prends les œufs, ouais. Voilà. Et ben, il y a des gens, ils sont tétanisés là-dedans, mais ils ne bougent plus. Ils transpirent, ils sont coincés, ils bougent plus. Est-ce que c'est la peur du vertige, ça, réellement? Je pense que c'est pas plutôt la peur de tomber, tu vois, ou ce genre de choses. quoi qu'il arrive, ils se retrouvent dans une situation psychologique où ils sont complètement buggés, en fait. Ils sont coincés. Parce que, à contrario, tu as des expériences qui existent où justement c'est des accidents. Enfin, il y a plein d'expériences VR de crash d'avion. Où tu vis le crash d'un avion en plein ciel et tout, et jusqu'à l'atterrissage, tu veux. Ok, tu peux avoir peur de l'avion, mais je pense pas que ça soit trop bénéfique de montrer ce genre d'expérience non plus, tu vois, à des gens qui sont phobiques de l'avion. Tout dépend si tu déranges les autres, en fait, ou si tu vis mal ton vol. Tu as une phobie de l'avion, quelqu'un qui a vraiment des grosses phobies d'avion, tu le mets dans une expérience d'avion et puis petit à petit il s'y habitue. Si le tout c'est qu'il a pu ses sueurs froides, il arrive déjà à lire ou à regarder un film pendant le vol, il aura déjà pour lui, il va gagner un confort fou, quoi. Mais ces expériences là d'avion là dont tu parles, Majo, c'est pas du thérapeutique, hein. On est d'accord que c'est du grand spectacle, justement. Une personne qui est phobique de l'avion, faut surtout pas lui mettre sur Je rebondis juste quand on disait que mettre les gens en face de leur phobie les faisait s'habituer à la gérer. Là, on est quand même dans un cas où c'est des expériences qui existent, mais que je dis que je vais dans ton sens. Je dis que de montrer ce genre de choses à des gens qui ont peur de monter dans l'avion, je pense pas que ça soit une aide pour eux, en fait. Oui, je dis l'opposé de ce qu'on a dit il y a 20 minutes. Tout à fait d'accord. C'était ça, en fait. Moi, je pensais plutôt ces gens-là qui ont peur de l'avion, qui se retrouvent tranquilles dans une cabine d'avion avec la musique, avec tout va bien, les hôtesses, tout. Mais juste d'être dans cet habitacle et d'apprendre à essayer de respirer dans cet habitacle. Et une situation réaliste, genre quelques trous d'air, décollage, oui, tout à fait. Des trucs en général qui paniquent le plus les gens. Un missile à la Iron Man qui perfore l'aile et qui explose le moteur. Ça, c'est les expériences dont je parlais tout à l'heure. La limonade au lieu du champagne, des trucs comme ça, des trucs vraiment qui sont traumatisants, quoi. Mais c'est vachement parce que j'avais vu au niveau du mal de mer, on se rapproche du motion sickness, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était donc pas avec la réalité virtuelle. Donc le médecin commençait à mettre, c'était un bateau qui était modélisé sur la mer, et avec son bouton il pouvait régler les vagues et l'oscillation du bateau. Et donc le patient s'assoit sur une chaise, il met son casque et le médecin lui parle en même temps et lui dit, bon, à partir de maintenant, vous allez... Donc il a un casque audio où il entend la mer et tout ça. Et le médecin lui dit, bon, vous êtes sur une mer calme. Comment vous vous sentez? Alors là, on parle vraiment de maladie. On parle pas de c'est vraiment, ça peut aller jusqu'au vomissement, ça peut aller... C'est quelqu'un qui est malade. Et à petite dose, comme ça, les personnes, en réalité virtuelle, elles vont faire une multitude de séances pour se familiariser avec la mer. Il y a des gens plus ou moins sensibles, mais il y a une chose où je suis convaincu, notamment depuis que la réalité virtuelle existe, c'est que le corps humain, il s'adapte énormément, vraiment bien. Et que même quelqu'un qui est très, alors je dirais pas des extrêmes, mais quelqu'un qui a le mal de mer, qui va vomir une fois dans un bateau, toute sa vie, il va se dire, je prendrai plus jamais le bateau, je suis malade comme un chien. Ou alors ça va lui faire deux fois et à partir de là, ça sera terminé. Et il y a certaines personnes qui vont dire, merde, mon mari, alors dans ce cas-là, c'était une femme qui avait le mal de mer et son mari adorait le bateau. Et il avait acheté un petit bateau de 4 mètres. Et pour faire plaisir à son mari, elle expliquait dans ce reportage, elle disait, je fais des séances comme ça parce que j'aime bien partir pêcher, faire des trucs, mais à chaque fois, je suis malade et j'en peux plus. Et elle dit que ça lui avait fait un bien fou parce qu'à force de s'habituer à ce roulis, à ce mouvement... Le cerveau s'habitue. Petit à petit, voilà. Et puis, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas malade si elle part dans une mer démontée, mais juste de pouvoir profiter d'un week-end et puis d'aller sur un petit lac... Sans être malade comme un chien. Sans dégobiller. C'est ça. Donc, c'est encore une autre façon d'utiliser la VR. Et je suppose qu'il y en a encore des tonnes des cas possibles. Ouais. Il y en a plein. Là, par exemple, il y a soigner les troubles du stress post-traumatique. Donc là, c'est des gens qui ont vécu des choses vraiment traumatisantes. Hein, voilà. Notamment les militaires. Il y a par exemple une application qui est beaucoup utilisée dans les bases militaires, dans les hôpitaux, dans les universités. Voilà, c'est Brave Mind. C'est une application en fait qui te confronte à des situations traumatisantes en fait. Donc les militaires revivent en gros ce qu'ils ont vécu sur le terrain en réalité virtuelle. Là, on parle pas de phobie hein, parce que La phobie, c'est quelque chose qui est ancré en nous, mais qui est, comment dire, qui fait partie de nous en fait. Le stress post-traumatique, c'est un accident de la vie en fait qui a provoqué ça. Donc le traitement n'est pas le même. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos de ce truc-là, mais je trouve ça un petit peu. Si. On avait fait des articles à ce sujet particulier, en 2017. Alors, moi non, personnellement, donc je vais vous écouter avec passion, les gars. Mmh. Je vais rebondir. C'est particulier. Ah bah c'est ça. C'est suite à un conflit armé, c'est le syndrome post-traumatique de beaucoup de militaires qui rentrent d'un réel conflit. Avec toutes les horreurs que ça comporte. Et puis, ça a beau être des durs sur le terrain, quand ils rentrent à la maison, ils fondent en larmes, quoi. Ils sont plus... Et donc la plupart des armées s'en sont aperçues. C'est pour ça que, d'ailleurs, les gouvernements investissent énormément en réalité virtuelle au niveau des casques pour l'armée. Et d'une part, pour l'entraînement, donc là, c'est plus du shooter classique, mais d'autre part, pour ce genre de choses, ou pour soigner justement ces gens qui ne ferment plus l'œil de la nuit, hein, qui se mettent à crier en pleine nuit, ils utilisent des expériences de ce type-là pour essayer de les faire revenir petit à petit au monde réel, quoi. Mais comment ça peut les apaiser de leur remontrer ce qu'ils ont déjà vécu ? On soigne le mal par le mal. C'est le même principe de balancer quelqu'un c'est qui de la a le mal de mer. En fait. On balance le mec, la dame qui a le mal de mer, on la balance en mer. Le type qui a la claustrophobie, on l'enferme. Ce que je veux dire, c'est que c'est quoi le but en fait ? C'est que la personne en question revive ce qu'elle a vécu et qu'elle le termine différemment ? Je pense que c'est ça. Ou qu'elle le revive sans cesse, pour apprendre à l'accepter ou, Dans quel sens ? C'est un mélange de tout ça. Et en plus, je pense que chaque patient, c'est un cas différent et c'est un procédé différent de thérapie. T'es très entouré aussi quand tu fais ça. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et je pense qu'on ne peut pas expliquer simplement comment ça fonctionne. Ouais, c'est beaucoup de psychologie. Depuis le début, on ne parle que de ça. La maman qu'on expose à son enfant mort, c'est la même chose. Hein. On l'expose face à quelque chose qu'elle n'accepte pas. Et c'est c'est différent parce que c'est une prouesse technique. J'ose espérer que c'est à la demande de la mère. Oui. Que ce ne soit pas des gens qui soient venus la voir en lui disant ça vous dit de. Ils ont bien dû trouver quelqu'un, je ne sais pas comment ils s'y sont pris. Mais au niveau de la manipulation, au niveau de l'efficacité du truc, c'est quand même t'exposer face à une réalité pour que tu en fasses le deuil. Donc ça c'est dans le cas de la maman, elle va faire le deuil de son enfant parce qu'elle va le revoir, peut-être avoir le temps de lui dire au revoir, mais dans le cas d'une phobie, ça va être exposé face à quelque chose qui te tétanise de peur pour arriver à lutter contre ça. Donc c'est à chaque fois, on te confronte face à la chose qui te bloque en fait pour arriver. Alors je sais pas, pour un militaire qui a vu un massacre, est-ce qu'on va lui mettre dans le casque, est-ce qu'on va lui retranscrire ce même massacre? Où est-ce qu'on va le renvoyer s'il a été, dans la jungle ou dans un pays, dans des villes en plein Sahara, est-ce qu'on va lui renvoyer juste le fait d'avoir du sable? Je ne sais pas comment ils arrivent à gérer ça. Je suppose qu'il doit y avoir des psychologues derrière qui doivent gérer le truc de près. Oui, quoi. Carrément. Sur Brave Mind, tu vois bien en fait que c'est de la simulation sur le terrain, quoi. C'est réellement ce qu'ils ont vécu. Ce qu'ils ont vécu sur le terrain. C'est pas un genre du sable. En plus, qu'est-ce qui se passe? Les types, ils étaient dans une équipe de 4 personnes. Et ben dans l'eau, il y en a un qui s'est pris une balle dans la tête. Sur le coup, c'est un petit peu comme un accident de voiture où tu vas réagir tout de suite. Faut le sauver, faut faire un garrot, faut faire ça. Et c'est quand tu rentres, comme c'est le syndrome de beaucoup de pompiers d'ailleurs, quand ils rentrent au début ou ils rentrent à la maison. Et puis au final, deux semaines après, ça te prend et tu sais pas d'où ça vient. Tu percutes parce que sur le coup, tu n'y as même pas pensé. Tu es venu en secours à quelqu'un. Et puis quelques mois, quelques semaines, tu as un déclic dans ta tête. Et puis, poum, tout d'un coup, tu t'aperçois que tu peux mourir. Tu ne dors plus la nuit, tu te mets à crier. Et c'est peut-être en te reconfrontant à cette même situation, comme les pompiers. C'est pour ça que je compare ça aux pompiers. C'est que les pompiers, ils voient ça tous les jours. Les pompiers voient ça tous les jours. Ouais, et c'est pour ça qu'ils... Ouais, mais parce que ça devient une habitude. Et c'est exactement ça. C'est d'arriver. S'il y a traumatisme, c'est que dans tous les cas que tu t'es retrouvé dans une situation, à mon avis, où qui est pas courante, pas préparée, et qui t'a traumatisé. Et le fait de pouvoir revivre comme un sale cauchemar plusieurs fois ce truc, tu arrives à le comprendre, et à t'en défendre aussi peut-être. Et ça, des psychologues ou tout ça seraient certainement pourraient certainement plus nous expliquer tout ça, mais. Mais à toi d'en inviter pour la prochaine fois. C'est ça. Trouver. Et d'ailleurs, tiens, pour les psys, il y a aussi des formations psychiatriques qui sont. Il y a des applications aussi pour ça. Par exemple, VR Sanity, quand tu fais des études dans ce domaine-là, te permet de comprendre, en tout cas de simuler ce qui se passe dans la tête de tes patients, de ce qui se passe dans la tête d'un schizophrène. Wow. J'ai pas vu d'image pour celui-là. Et puis il y a des patients qui doivent être bien tordus. Hein. Et ça te permet justement d'avoir des facilités au niveau de l'empathie que tu peux avoir pour ton patient, en tout cas le comprendre. Parce que je sais pas si l'empathie doit être rentrée en ligne de compte chez les psychiatres, mais en tout cas de comprendre le mal qu'a ton patient. Et ça aussi, c'est super intéressant, c'est parce bien, que ça te met dans des situations... Si, je pense que l'empathie, quand même, ça fait partie intégrante du job d'un psychologue. En gardant des barrières, quand même. En gardant des distances. Ils doivent avoir un recul extrême vis-à-vis de ces patients. Oui, rester le plus neutre possible et être objectif par rapport à la situation. Mais t'es obligé, de toute façon. Enfin, pour comprendre quelqu'un ou comprendre sa réaction, t'es obligé de te mettre un minimum à sa place. C'est ça. Mais en tout cas, ça les aide pour ça, quoi. C'est une étape qui n'est pas innée chez tout le monde, donc ça peut être intéressant aussi. Ouais, j'avoue. Mais c'est la curiosité aussi, de toute façon, c'est toujours pareil. C'est un mélange de curiosité et d'information, comment dire, de tout ça. Enfin, je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est en fait, ça t'aide à être quelqu'un d'autre, quoi, au final. Voilà, c'est la manière de comprendre ça, c'est que tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre et tu dis que les psys ne sont pas forcés d'être empathiques, mais le fait de mettre un casque pour comprendre comment vit un schizophrène, en gros, puisque c'est de ça que tu parles, c'est totalement de l'empathie. C'est ce que lui, c'est peut-être pour l'aider à cerner ce qu'il ne peut pas cerner parce qu'il n'est pas suffisamment empathique. Tu vois ce que je veux dire ? C'est déjà une preuve que tu t'intéresses à ce que tu fais. Voilà. Parce que, ouais. Et ça prouve que tu as besoin de l'empathie. Donc je ne pense pas qu'il soit hermétique à l'empathie, du coup. C'est vrai que ça travaille sur cet axe-là, quoi. Et ce qui est marrant, c'est l'application aussi dans des vrais jeux à ce niveau-là. Par exemple, Hellblade, typiquement, c'est le jeu qui essaye de te faire ressentir en plat et puis encore plus en VR, avec un casque sur les oreilles, c'est carrément dingue, ce que ressent une schizophrène, en fait. C'est plusieurs voix dans la tête, un tourbillonnement d'idées contradictoires, des espèces d'effets visuels. Enfin voilà, là c'est complètement du jeu vidéo pur et dur, hein. Même s'ils sont basés sur les travaux et qu'ils ont travaillé d'ailleurs avec des professionnels de la santé, ça reste quand même une application aussi super intéressante. En tout cas, émotionnellement, ça te met dans une situation et dans un état d'esprit que seul le jeu vidéo et que seul le virtuel peut t'apporter. Et puis, d'ailleurs, si on parle là-dessus, je pense que c'est là où on peut avoir une troisième ou une quatrième couche que le jeu vidéo ne connaît pas encore, justement. De pouvoir voir les choses de la façon d'eux. Le jeu vidéo plat, on suit une histoire, on suit un scénario, on a de la musique, on voit le bonhomme qui bouge. Si c'est bien scénarisé, on commence à toucher à des histoires qui peuvent nous toucher, qui peuvent nous... Mais là, ça va beaucoup plus loin parce que tu te retrouves dans la peau d'un personnage carrément et tu peux voir les choses à la place d'un personnage que tu n'es pas et comprendre au niveau tu scénaristique. Tu ne les vois pas, tu les vis. Au niveau scénaristique, tu peux partir dans des délires de fou, quoi. De te retrouver face, de démarrer dans le corps d'un meurtrier et puis de t'apercevoir que finalement c'est le plus salaud des deux, c'est pas toi, c'en est un autre. Enfin, tu peux partir dans tous les... Ouais, enfin, ça peut partir vraiment dans des scénarios de fou parce que tu vas vivre justement la scène. Ah oui, il faut que ce soit contrôlé. Mais je pense toujours à du Tarantino, du Pulp Fiction, où tu t'aperçois qu'ils sont tous en train de s'entretuer entre eux. Et tu sais jamais qui est le plus gros méchant parce que tu as toujours un connard plus connard que toi qui va te buter. Et je veux dire, en prenant la place de quelqu'un, Même tu peux très bien amener ton joueur à commencer une histoire en te faisant passer pour quelqu'un de génial, et puis tu t'aperçois après que en fait t'es quelqu'un de pas si bien. Ça peut être dérangeant, parce que quand tu vas quitter le casque, tu dis putain, je suis un enculé en fait. Et puis c'est vraiment une nouvelle couche qu'on peut rajouter au scénario et qui est super intéressante. Qu'il faut savoir écrire. Hein. Ah oui. À mon avis, oui. Au niveau justement de ouais, dans scénario, le thérapeutique, c'est tendu hein, quand même. Hein. Ouais, ben, de toute façon, après, c'est... Ouais, mais après, je suis sûr qu'il y aura des gens qui vont faire des choses formidables avec. Et après, il faut faire attention qu'il met le casque sur la tête. C'est ça. On en revient exactement à ce qu'on a dit au départ de la vidéo avec la mère et sa gamine. C'est que ça dépendra toujours de la personne qui sera confrontée à ça, qui sera en face de ça. Je pense que tu pourras pas faire... Enfin, tu pourras, mais même si tu fais des expériences génériques... qui seront adaptés à tel ou tel type de pathologie, chaque personne ne le vivra pas de la même manière. Ça me fait penser moi, à Total Recall, où au niveau du scénar, ouais. Lui, c'est Charles Zeniger, ou même le nouveau, c'était Colin Farrell. Ouais. En fait, c'est un bel enculé qui a perdu la mémoire et qui au final, tu commences, tu es quelqu'un de sympa, et puis tu découvres en fait que tu étais un bel enculé. Et je pense qu'en VR, il y a des trucs de dingue à faire, parce que tu peux partir vraiment, tu peux jouer avec ça et tu peux. On va toujours être, tu sais, à la limite, c'est toujours pareil, c'est comme le jeu vidéo, et c'est toujours l'éternel débat, le jeu vidéo, les gens influençables, ou comme les films, ou les livres, ou n'importe quoi d'ailleurs. Comme exactement, mais justement te mettre à la place d'un enfoiré. Moi j'imagine le Joker, tu vois, le film qui vient de sortir là, par exemple. En VR, tu vois, un scénario dans ce genre là, tu vois, où tu as de l'empathie pour le personnage, tu te rends compte qu'en fait c'est à la fin c'est un gros enculé, mais s'il en est arrivé là, c'est pas pour rien quoi. Ouais, mais tu vois, l'empathie, le monde l'a brisé quoi. L'empathie que tu as, c'est très difficile à doser. Mais surtout à mettre en avant, parce que l'empathie que tu as dans ce genre de film, tu parles de Joker, tu l'as parce que c'est un film, parce que tu vois le personnage à l'écran. Tu vois un personnage en face de toi, voilà, tu ne l'incarnes pas. Le fait de l'incarner, déjà, tu ne le vois pas, donc tu ne peux pas, t'opposer à lui, de chercher de similitudes ou te dire, bon, ben, je pourrais être comme lui, puisqu'au final, c'est toi. Donc là, ça va être encore quelque chose de différent, parce que ça va être... à toi d'appréhender la situation que tu vas avoir en face de toi, mais sans voir la réaction d'un autre. Enfin, je sais pas si tu vois ce que. Enfin, sans voir la réaction de la personne que tu incarnes, pardon. Je pense que pour avoir ce genre de truc, il faudrait avoir deux versions en gros. Une version où on te montre la personne que tu vas incarner, et ensuite une version réalité virtuelle où tu incarnes la personne. C'est là, que tu c'est là où tu as, c'est là où les scénarios sont plus compliqués, c'est que tu vas incarner une personne qui sera toi finalement, et tu vas te retrouver face à une situation où tu auras deux choix, et les deux choix seront pas l'un meilleur que l'autre. Et quitte à même te faire culpabiliser, parce que tu vas être obligé de faire un choix entre ces deux trucs horribles. Je vois ce que tu veux dire. Et deux choses horribles, totalement horribles. Je sais pas ce que ça peut être. Tu choisis une des deux choses, et puis après tu te dis. Putain, je suis vraiment. Et puis tu peux jouer avec ça, mais ça peut aller loin, quoi. En mode exutoire aussi. Tu peux assumer complètement d'être dans un monde comme un jeu vidéo classique. Tu peux très bien t'amuser et dire ouais, allez, je bute tout le monde, un peu comme à la GTA. Combien il y en a qui sont amusés à écraser tout le monde. Finalement, ça leur fait du bien. Il vaut mieux qu'ils fassent ça sur un jeu que qu'ils fassent ça dans une école avec une arme. C'est vrai. Donc après, il y aura toujours des gens qui vont avoir peur de ce qu'ils connaissent pas. Il y aura toujours des gens aussi qui vont être influencés par ce genre de choses et qui feront des bêtises. Mais ils pourront l'être en regardant une émission à la con, ou être influencés par des sectes, ou être influencés par autre chose. Donc ces gens-là, je dirais, ils n'ont pas besoin de la réalité virtuelle pour être quoi qu'il arrive, surtout qu'ils en mettront jamais quoi. Quoi qu'il arrive, ce sera Batman The Dark Knight, ce sera un jeu de réalité virtuelle, ce sera un jeu vidéo, si c'est pas ça, ce sera un film un peu violent, ce sera un livre, ce que tu veux. Voilà, c'est donc après bah, je crois que chaque génération, avant c'était la télé, après ça a été les jeux vidéo, la VR va en prendre plein la gueule dans pas longtemps. Pour l'instant, il n'y a pas assez de monde, donc, mais quand elle va commencer à se développer, tu vas voir. Mais c'est pour ça que l'important, c'est d'en parler et surtout de se renseigner à fond et de savoir de quoi on parle, quoi. C'est le plus important, je pense. Quoi qu'il en soit, pour continuer sur le thème de l'émission, il y a aussi, donc dans les applications médicales, la gestion de la douleur pendant certaines opérations, voire pour le traitement des grands brûlés. Il y a des applications qui sont là en fait pour, on va dire, détourner l'attention du patient, le transporter dans un autre univers et qui focalise en fait son attention sur ce qu'il fait en virtuel pendant qu'on lui donne les traitements. Et apparemment, grâce à ça, il y a moyen de mettre une dose beaucoup moins importante de tout ce qui est anti-douleur, etc. Anesthésie. Mais de dose médicamenteuse. De dose médicamenteuse, exactement. Et ça fonctionne apparemment. Et notamment, tu as une application qui s'appelle Snow World. Où c'est un petit jeu à la con, en fait, où tu fais des batailles de boules de neige. Tu défonces des bonhommes de neige et des pingouins. Et apparemment, c'est utilisé pour les traitements des grands brûlés. Ça fonctionne super bien. Je sais pas si vous avez eu ça. Ah, si. Non. Non plus. Si. Pour les enfants également. Aussi, ouais. Une application VR, c'est une petite abeille. Et puis l'enfant arrive. Ouais. D'habitude, il faut passer le coton pour et puis là, il y a plus d'anesthésie en fait. La petite abeille, le petit de 4 ans, il a son casque, il voit la petite abeille. Salut, je m'appelle Massin, je vais me poser sur ton bras, mais on est copains. et puis l'infirmière à l'écran, donc elle voit ce que l'enfant voit et elle va planter l'aiguille au moment où l'abeille le pique. Et pendant ce temps-là, la petite abeille, quand elle a fini de le piquer, elle dit mais ah, je t'ai bien niqué. Hein. Elle se barre comme ça. Ah, je suis vraiment une grosse salope, je t'ai piqué dans le bras. Et comme ça, phobie des abeilles, et comme ça, nouvelle application, et voilà. Et puis. Et elle sort, au contraire, parce que ce qui est drôle, c'est que quand tu les vois tous passer, les petits, il n'y en a pas un seul qui pleure, parce que l'abeille, elle a expliqué ce qu'elle allait faire. Elle dit tu vois, maintenant, tu auras plus de maladie, tu seras grâce à moi. Et puis, il continue à regarder son bras, alors qu'elle dit t'as vu, t'as pas eu trop mal. Hein. Et puis, t'as le gamin, il répond à l'abeille ah ben non, hein, t'es gentil, t'es ma copine. La prochaine fois que t'auras un Asiat sur ta terrasse, oh mais non, maman, c'est bon, c'est pour le vaccin, tu vois. Et là, impeccable, grosse crise de stress et tout. Un modeur PC qui pète un plomb et qui commence à changer les applications. Ah, tu vois, maintenant, je vais t'enculer ton bras. Et puis, bing. Avec une hache. Pauvre gosse, c'est ça. Ah ouais, ça marche, je viens de lui couper le bras avec une hache, il a pas mal. Ah, parfait. La gentille petite abeille. Et Toons. Mais ça fonctionne en tout cas, c'est sûr. Ça existe et ça fonctionne. Et moi, je trouve ça vraiment bluffant, justement, que le cerveau puisse se faire avoir à ce point-là. L'autre solution, c'est les bronzer avec le coup du bâton sur la tête. Ça marche aussi, moins mal. Ça, c'est old school, quoi. C'est plus années 70. Alors, attention au casque. Voilà. Ah, c'est ça. Mais c'est ce principe. Hein. C'est, on te réoriente ton attention et ça fonctionne super bien. Mais quand tu vois sur les grands brûlés, enfin, je veux dire, c'est quand même pas anodin. Hein. C'est pas juste une piqûre. Hein. Et aussi d'utiliser une application qui te met dans un environnement de glace, de neige, je pense que c'est aussi apaisant au niveau de ce qui se passe dans ton cerveau. Ah, ça doit jouer. Et je trouve ça impressionnant. Il y a une grosse part de psychologie dans tout ça. Et oui, la VR sera de mieux en mieux bien faite, on va dire. Ouais, et c'est vrai que l'objectif de la VR, c'est tromper ton cerveau et d'arriver à te faire croire dans un environnement dans lequel tu n'es pas. Et c'est vrai que tu t'aperçois quand même que le mental a une force. Depuis tout à l'heure, de toute façon, on ne parle que de mental, que de blocage. Et c'est là où, ça peut. Si c'est bien fait, si c'est suivi par des professionnels, ça peut être. Je pense aussi aux personnes âgées dans les maisons de retraite. Alors, il y en a certains qui perdent un peu la carte, mais il y en a d'autres qui ont d'autres soucis et ça peut être un moyen de s'évader de cette maison, justement. Surtout pour les personnes en fin de vie, pardon. Ouais. Même sans parler de fin de vie, des gens qui n'ont plus de famille, qui sont, tu sais, quand tu te balades dans les couloirs de maisons de retraite, ça je l'ai eu fait pendant un petit moment, tu t'aperçois qu'il y en a qui ont toute leur tête mais qui n'ont plus de famille, qui n'ont plus personne, soit parce qu'ils n'ont jamais eu d'enfants, soit parce que, et ces gens là ils, tous les jours ils font quoi, ils sortent, ils vont faire leur tour dans le parc, ils vont s'asseoir sur un banc, ils vont discuter avec des gens qui sont, il y en a, ils sont complètement tarés, Et puis quelque part, ils sont super contents de voir des visiteurs parce qu'ils ont envie de parler, en fait. Ils ont envie de communiquer, ils ont envie de... Et quelque part, ça peut être bien aussi de... Eh ben, je suis trop vieille, je pourrais pas aller voir le Corcovado au Brésil. Ben tiens, je te mets le casque, tu vas aller, tu vas le voir ton Corcovado. Et pour elles, ce sera le plus beau cadeau que tu pourras leur faire. Donc c'est aussi quelque chose qui devrait se développer, ça, des au niveau médecine, qui est des thérapeutes, des médecins qui s'en inquiètent et qui se disent, tiens, pourquoi on ne prendrait pas une série de casques et qu'on n'essaierait pas quelques essais sur certaines personnes. Mais ça vient, hein. Enfin, en Ah, médecine, mais ça vient, franchement, il y en a qui le font, hein, il y il en y en a a qui quand le même font. Mais ça reste, pour l'instant, ça reste vraiment des assez expériences. confidentiel. Ouais, c'est des Mais choses. là, récemment, il me semble qu'il y a un médecin qui a fait une opération à distance en VR. Ou chirurgie possible, Ouais, ouais. c'est ça. Ou de chirurgie. Ouais, c'est ça, de la chirurgie à distance, ouais, c'est ça. Et en VR. Allez, parfait, c'était le prochain thème. Nickel. Donc Formidable. voilà, aussi dans la chirurgie, effectivement. Bah vas-y, Formidable. continue. Continue, continue. Bah non, bah, du coup, alors je ne sais plus où c'était ni quand c'était, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge un peu. Mais c'est pareil, c'est quand même impressionnant de se dire que. Parce que là, c'est allié, du coup, c'est allié une technologie qui est quand même est développée depuis quelques années, donc à savoir la médecine robotisée, et allié à une autre technologie qui est en plein développement, c'est-à-dire la VR. Aujourd'hui, on sait que pour. Tu as de grands chirurgiens et de grands spécialistes dans pas mal de domaines médicaux. Et en fait, les possibilités sont énormes. C'est-à-dire que tu pourras te faire opérer par un mec qui vit aux États-Unis en étant en France parce que par Internet. Bon, alors, il va falloir faire attention à la latence. Il Il faut pas de faudra pas prendre latence, pas de Stadia. latence. Faudra C'est pas ça. prendre Stadia comme exemple. Mais c'est quand même très impressionnant de se dire qu'aujourd'hui, tu es capable de faire ça. Enfin, quand tu vois le prix que ça coûte d'aller te faire opérer dans un pays étranger en fonction du spécialiste, en fonction de ta maladie ou quoi que ce soit, je trouve que c'est quand même ça, c'est une belle prouesse technique Oui. et technologique quand même. Alors, je dis pas qu'il y avait 4 000 km entre les deux, enfin entre le mec qui opérait et la machine, mais je sais même pas d'ailleurs si c'était pas d'une pièce à une autre, mais c'est quand même. Enfin, pour moi, c'est quand même une très très belle avancée Je technologique et ça prouve. plains le chirurgien qui a déjà un carnet de commandes énormes qui va devoir du coup les prix vont monter en fait parce que Mais les juste les bons. meilleurs Ouais. ouais, les meilleurs Ouais, vont avoir les plus riches. Mais dans l'idée, oui, c'est super bien parce Ce qui est déjà le que cas. c'est déjà le cas, Est-ce mais que ce c'est sera eux encore pire. est-ce que c'est eux qui vont se faire de l'argent ou est-ce que c'est les sociétés qui utiliseront les Les deux, services, les qui deux. Enfin, fourniront disons les que services, pardon. l'argent, mais ça, c'est un autre problème, je dirais. Dans l'idée, oui, c'est super bien. C'est super Allez, bien. à dans 15 jours les gars pour l'argent et la médecine. C'est ça. Après, Mais c'est les ouais. dérives. Ouais. Mais ouais, en fait, il y a les applications directes en fait de réalité virtuelle pour les opérations à proprement parler. Et tu as aussi un paquet d'applications en général qui sont développées pour certains hôpitaux. C'est par exemple ta Sim Surgery, c'est pour de la formation de médecins sur justement la chirurgie. Ça Ce qui peut aider. leur permet de s'entraîner justement, c'est et après tu as aussi des mix réalité virtuelle, réalité augmentée, où tu as une espèce de modélisation de ce qu'il y a dans le corps du patient. Enfin, c'est incroyable aussi ça. J'ai entendu qu'ils allaient sortir Docteur Maboule en VR. Tu penses que ça peut Ah, ça aider? peut être pas mal, ça peut être pas mal ça. Ça peut être drôle, hein. Ça Mais en peut être vrai, drôle. toi. En expérience, ça peut être drôle. Sinon, il y a Walking Dead, Saints and Sinners. Aussi, Tu apprends voilà, à faire de c'est de la la chirurgie, mais chirurgie, c'est pas la mais même. la chirurgie Tu vois, très précise. Tu vois ouais. même l'intérieur des corps, c'est très très bien. Tu peux même t'enduire avec les boyaux, donc c'est magnifique. Ah là, Mais ouais. j'espère qu'ils n'utilisent pas dans les écoles de chirurgie Saints and Sinners, par contre. Putain, moi Le type, j'espère. il Ouais, arrive avec attention sa là, hache. Ouais, il est où le patient? Ouais. Non, mais plus pour la La chasse, pour Shining. apprendre à dépecer, tu vois, les trucs comme ça. C'est ça. Enfin, y a un paquet de Il y trucs a en tout cas plein à faire d'applications, ouais, c'est clair. avec la VR. Et plus tu. Enfin, moi j'invite les Ah bon, auditeurs à quand? faire des recherches aussi de leur. Bah, je t'invite chez moi si tu veux la semaine prochaine, chez ASEP qui vient, donc t'es le bienvenu. Enfin bref. Voilà, à faire des recherches un petit peu sur là-dessus, parce qu'on se rend compte, plus on gratte, et plus les possibilités sont infinies, en fait, avec la réalité virtuelle. Rien que le fait, voilà. Le noyau de cette technologie-là, justement, c'est d'être transporté dans un autre endroit. Et rien que ça, en fait, ben, il est possible de faire énormément de choses. Mais tout est possible. La dernière fois, on en rigolait parce qu'il y a une application où tu peux prendre la place de Donald Trump sur PC. Mais tu peux tout imaginer comme truc complètement barge. Tu peux imaginer le joueur maladif qui va dans une expérience VR ne faire que gagner, juste pour assouvir sa soif de gagner, et du coup ça va le limiter à aller au casino. C'est ça. Ouais, carrément. Tu peux les jeux à gratter, tu joues des jeux à gratter puis tu gagnes des millions tout le temps, tu dis. Alors pour le mec qui est accro au casino, j'espère que tu lui donnes de l'argent à la fin de son expérience. Non, parce que en tant que simulation, tu peux lui donner peut-être le plaisir du poker ou le plaisir de la roulette ou le plaisir de ces jeux, et tu gagnes de l'argent virtuellement et du coup ça l'empêche de sortir. La personne qui sort, par exemple, parce que ces gens-là, ils sont capables de te claquer 10 000 balles en que dalle, hein, c'est des malades. Mais par contre, je suis très surpris, là tu viens de me filer une idée, les jeux de poker en VR, je suis ultra surpris qu'il n'y en ait pas. Quoi. Oh ben, ça, va pas ça existe, il me semble, si ça, ça va pas il tarder. Il me semble. Hein. En tout cas, c'est... Mais il me semble en avoir vu passer. Un jeu de poker VR multi. Ah bah oui, ça pourrait. Quand tu vois le succès du poker, enfin maintenant un peu moins, mais. Ah bah c'est sûr que ça pourrait plaire. Ça pourrait amener une nouvelle clientèle en plus. Ouais, puis il y a moyen de faire des tournois à distance encore. Ah une bah fois, carrément, ouais. D'ailleurs, c'est quoi? C'est le loup de. Le loup-garou de Tiercelieu, non? Qu'il y a sur PSV. Ouais, Werewolves Within. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça fonctionne bien, c'est un jeu de cartes. De toute façon, le jeu de société en AR, c'est génial, mais en VR, ça peut être bien aussi. Quoi. Mais tous ces trucs-là, oui, ça peut aussi soigner des gens qui sont vraiment addicts à ce genre de trucs. Quoi. Ou du moins donner un substitut pour leur éviter d'y aller trois fois par semaine. Et bien, ils n'y vont plus qu'une fois par mois grâce à ça. Quoi. En tout cas, voilà, les applications sont quasiment infinies. Moi, ce qui me fait dire que la réalité virtuelle, ça ne va pas être, en tout cas dans le milieu professionnel, certainement pas être... arrêter du jour au lendemain quoi. Là on a fait le tour que du médical hein, parce qu'après on n'a pas fini tous les autres secteurs d'activité et on n'a pas du tout fait le tour du médical. Il y a tellement de choses on n'a pas parlé de la vue. Non, vas-y. La vue, alors c'est rigolo parce que quand les casques de réalité virtuelle, il y a beaucoup de gens qui se disent tout le temps on a quand même un écran placé à 1 cm, 2 cm de tes yeux. Et du coup, la première réflexion, c'est que tu vas te cramer les yeux avec un truc pareil. Et ce qui est rigolo, c'est que tous les ophtalmos n'ont pas du tout la même vision du truc. Parce que justement, en fait, ce qui te tue la vue, ce qui te rend myope, parce qu'il y a de plus en plus de myopes, ça c'est un constat, et c'est souvent associé aux écrans. Pourquoi ? C'est pas en fait les écrans, parce que tout le monde fait le raccourci de dire que c'est les écrans. Le souci, c'est qu'on est plus habitué à regarder loin. On passe notre temps sur un écran d'ordinateur où on va avoir l'ordinateur qui va être à 50 cm de ses yeux. Mis à part dans les transports en commun, et même là, tu seras sur ton téléphone. Donc en fait, ton œil va s'habituer à toujours fixer quelque chose qui sera à moins d'un mètre de ta vue. Et il me semble que ça, c'est pas la myopie en fait, ça c'est les muscles oculaires qui ne travaillent pas assez. Et justement, le fait de voir un écran très très près, en fait, ça peut justement t'aider à muscler ton œil en fait. La myopie, c'est, je crois, la taille de ton œil par rapport à la cavité dans ton crâne. Ah, peut-être. Qui fait justement un dérèglement et qui fait que la cornée Ce qui était drôle sur ce problème-là, c'est que justement, alors je ne sais pas ce que c'est, si c'est la myopie ou autre chose, mais le problème lié aux nouvelles technologies, ce n'est pas le fait d'être sur des écrans, c'est le fait, si tu, par exemple, tu restais tous les jours fixé sur une affiche contre un mur, 8 heures par jour, tu serais autant atteint que si tu fixais un écran en fait. Parce qu'il n'y a pas de balayage maintenant. Avant, il y avait le souci du balayage, c'était autre chose. Et donc, ce qu'ils te disent, c'est que quand tu es dans un casque VR, ton œil, en fait, tu es dans un monde virtuel, donc tu as un rapport de distance. Et du coup, quand tu regardes loin dans un casque, comme par exemple tu vas dans No Man's Sky, tu te retrouves dans une vallée avec une longue, grande profondeur de champ. Ton œil, il va être réglé comme si tu étais dehors en train de regarder très loin. Et c'est là où c'est bon, en fait, parce que tu as beau avoir un écran qui est à 1 cm de ton œil, lui, il est réglé pour voir loin. Et du coup, tu fais cette mécanique alors que tu restes sur un écran que tu ne feras pas sur un téléphone ou là, tu seras vraiment de près. Et ce qu'il faut, c'est habituer les enfants et les plus jeunes à avoir cette mécanique. Ils restent une heure sur un écran. Derrière, il faut qu'ils aillent dehors et qu'ils regardent un peu loin pendant un moment pour que l'œil ne perde pas cette habitude de passer du près au loin, quoi. Donc ça, c'est... Ça vous le fait, vous aussi, de temps en temps, sur les jeux qui sont sous-titrés, notamment, c'est-à-dire quand les sous-titres sont vraiment devant toi, alors que tu regardes, alors que quand tu regardes une scène, tu regardes normalement, tu fais le point assez loin, et d'un coup, en fait, t'as des sous-titres qui arrivent, mais juste devant ta gueule, et moi, en général, moi, ça me fait... je sais pas, ça me fait un petit peu loucher, quoi, comme sensation, c'est très bizarre. Bah, c'est vrai que le placement des sous-titres dans un jeu VR, c'est très important. C'est super important, ouais. Ça, alors après, t'as d'autres soucis qui peuvent être liés à ça, mais c'est vrai qu'effectivement, comme tu dis, si c'est trop haut, ou si c'est trop bas, ou si c'est trop centré... Trop près. D'une part, ça te casse l'immersion. Oui, enfin, effectivement, trop près. Fin... Mais t'as aussi ce principe-là, je veux dire, si c'est bas, mais que c'est trop près de ton œil, en fait, si tu veux, et que t'es vraiment obligé d'aller chercher en bas avec tes yeux... Mm. Pour aller lire le texte, tu vois, c'est aussi très gênant parce que ça fait mal aux yeux, d'une part. Et puis, c'est mal placé. Donc, tu fais le forcing, effectivement, et là, je pense pas que ça soit bénéfique pour ton œil. Là, tu le fais travailler beaucoup plus, et donc c'est aussi assez important à placer pour la vision, à mon avis. C'est ça. Ah ben oui, de toute façon, c'est pareil. Il faut que ce soit suivi. Il y a de plus en plus de professionnels qui s'intéressent au cas. Et ce qui est rigolo, c'est quand j'ai commencé à voir plus des ophtalmos s'intéresser à la réalité virtuelle, ma première réaction, ça a été « Ouh là là, si eux, ils s'en mêlent, ça ne va pas aller loin. » Et au final, ce qu'il en est ressorti, c'est pratiquement que des choses bonnes. Ça c'est une parenthèse, mais pourquoi le PSVR est interdit et déconseillé au moins de 12 ans, c'est parce que les enfants de moins de 12 ans n'ont le cristallin, il n'est pas encore formé. Et du coup, c'est une vraie éponge avant 12 ans, et ça laisse passer n'importe quelle longueur d'onde de lumière, y compris la fameuse lumière bleue. Cette lumière bleue, il y a eu pas mal de pour ou contre là-dessus, parce qu'il y en a qui disent que c'est complètement marketing pour essayer de vendre des filtres sur les lunettes. Après, il y a d'autres expériences qui te montrent qu'il y a peut-être un danger. Donc, le principe de précaution peut être... Surtout qu'un filtre, ça ne coûte pas si cher. Pourquoi, à partir de 12 ans, il faut faire attention à tout ça. Ça, c'est sûr. L'œil n'est pas encore formé. Ça, là-dessus, ils sont tous à peu près d'accord. Mais par contre, si vraiment au niveau de la lumière bleue il y a quelques doutes, il existe des filtres. Hein. Enfin, je vois moi, mon fils qui a des lunettes depuis tout petit, il a toujours eu des filtres. Moi, je pars du principe que bon, d'accord, ça va me coûter 20 balles de plus, mais si ça peut éviter de lui esquinter l'œil, vaut mieux que je dépense 20 balles. Après, si c'est marketing ou tout ça, je dirais tant pis, je me suis fait arnaquer de 20 balles. Mais des arnaques, il y en a plein d'autres. Donc, mais au final, cette longueur d'onde, il y en a qui sont franchement en train de prouver que c'est dangereux, pendant que d'autres qui disent que c'est pas si dangereux. C'est vrai que le soleil dégage aussi cette longueur d'onde. Donc, pourtant, on met des lunettes de soleil aux enfants. Et après, il y a un autre truc qui est super intéressant, par contre, c'est des casques de réalité virtuelle qui sont adaptés pour les ophtalmos. Et alors, c'est fou parce que quand on va chez l'ophtalmo, en général, on va faire toute une batterie de tests où on va mettre des appareils, il va essayer de mesurer tel truc. Et ça, c'est des casques qui sont autonomes, qui ont un programme à l'intérieur. Et en fait, en mettant ce casque, le programme va tout définir, en fait. Il va régler l'image pour qu'elle soit nette pour vous. Donc, dès que l'image est nette, les deux yeux sont différents. Hein, donc, dès que l'image est nette sur les deux écrans dans le casque de réalité virtuelle, il définit quelle lunette il vous faut. Et ce casque, alors c'est Oya qui a sorti ça. Et c'est spécialisé juste pour l'optique. Et donc, il y a plein de débouchés comme ça, de casques qui sont des outils de travail pour ces gens-là. Et au final, en 30 secondes, ils ont fait un diagnostic. Alors quand on voit que dans certains coins, il faut un an pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, avec des trucs comme ça, il peut les passer en batterie, il peut en faire 100 par jour, le mec. Ouais, c'est peut-être une bonne évolution aussi. Ouais, encore une fois, t'as même peut-être plus besoin d'ophtalmo. Hein. Juste des gens qui te passent le casque sur la tête. Hein. L'opticien qui a un appareil agréé et qui envoie des données éventuellement via le cloud directement un organisme qui dit, en fait, toi, tu as juste à dire cet œil, je vois flou, cet œil, je vois net. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que rien n'empêche de faire ça en pharmacie. Ah, bah oui, oui. Si, c'est juste qu'ils font un changement de lunettes, ça peut se faire. Et du coup, tu n'as plus besoin d'ophtalmo. Mais ce qu'ils font, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu fais une visite chez un ophtalmo, ton ordonnance est valable 3 ans. Et donc, quand tu vas chez l'opticien, tu peux très bien y aller chez l'opticien avec ton ordonnance et lui, il va te refaire une correction sans passer par l'ophtalmo. Donc, après, c'est sûr qu'avec ce genre de casque chez l'opticien, directement, tu achètes tes lunettes, il fait un contrôle. Alors après, on va dire qu'il y a un contrôle technique tous les 4 ans chez l'ophtalmo ou tous les 3 ans. Mmh. Mais ça pourrait désengorger ces années d'attente pour avoir un rendez-vous. C'est clair. Ouais. Après, c'est des idées, mais ça fonctionne, quoi. Ok, moi en tout cas des idées il y en a plein et ça c'est bien et justement c'est bien aussi pour la réalité virtuelle, on voit que c'est pas uniquement du jeu vidéo justement tout ça, c'est des applications vraiment pour la santé, donc c'est super intéressant en tout cas. Parce qu'il y a aussi les membres fantômes, il y a plein de choses en fait, mais on fera jamais le tour à 100%. Et oui, ceux qui ont peur des fantômes aussi. Arrête-toi. Ceux qui ont peur des zombies, voilà. Bah, voilà. Bon, bah. Et ouais, c'est qu'on peut. Mais c'est de Sensiner. Ocean Descent après les dents de la mer. C'est ça. Ah ouais. Bah, j'avoue que celui-là, si t'as peur des requins quand même. Juste avant de partir à la plage l'été, allez, fais un petit Ocean Descent. Allez, bonnes vacances. Je veux aller à la montagne. La montagne, ça vous gagne. Ouais, c'est ça. Ouais, mais après, t'as ski pro jumping ou je sais pas quoi. C'est encore pire. Formidable. 4 sur 10. J'annonce 4 sur 10. 4 sur 10. Parfait. Bon, bah, en tout cas, s'il y a des médecins qui nous écoutent, on sait jamais, hein, bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous utilisez, si vous utilisez ce type d'application. Si ça vous intéresse, bah, surtout, n'hésitez pas à faire player, des recherches. Enculé. De votre côté. Ouais, on s'excuse si on dit des bêtises. Ah oui, on a certainement dit beaucoup de conneries, hein, mais bon, on assume. Et puis bon, si vous nous écoutez, vous avez l'habitude d'en entendre. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. On reste en terrain conquis. Donc voilà, faites des recherches. Et c'est vraiment passionnant tout ce qu'on peut faire avec la réalité virtuelle. C'est cool. La VR n'a pas fini de nous étonner. Voilà, il n'y a pas que le porno en tout cas. Ah tiens, problème d'érection aussi. Ça peut être thérapeutique aussi, le porno en VR. C'est vrai. Pas mal ça. Ça dépend ce que tu diffuses, mais ouais. Bon, et ben on fera une émission spéciale c'est sûr là-dessus. C'est sûr que si t'es hétéro et que tu regardes un film gay, je pense que ça va pas t'aider. Et voilà, faut savoir exactement dans quel. Encore une fois, chaque public n'est pas prêt à regarder n'importe quoi. De la réalité virtuelle. C'est ça. Ah ben c'est comme toute bonne chose, il faut que ce soit adapté. Non, puis il faut être accompagné, tu vois, faut quelqu'un pour t'aider à côté et tout. Ouais. C'est vrai qu'on a mal choisi le thème en fait, hein, parce que veille de Saint-Valentin, on aurait dû faire une soirée plutôt porno que médecine, quoi, en fait. Ok. La VR et le porno. On annule, on la refait. Ok. Bon. Allez, vous pouvez donc discuter avec nous, nous dire ce que vous en avez pensé sur le site vrplayer.fr pour venir un petit peu discuter avec nous et puis échanger sur ce sujet avec grand plaisir. On remercie les tipeurs, on remercie les gens qui nous ont laissé des notes sur iTunes, ça nous aide beaucoup et ça nous fait vraiment plaisir. Vous pouvez nous écouter sur Deezer, sur Spotify, sur iTunes, sur PodCloud, sur n'importe quel site. Vous tapez sur Google autour d'un VR, vous tombez dessus, il n'y a aucun problème. Merci Laurent. Eh ben, merci Sei. Merci Mathieu. Tu me dis merci, je te dis merci. Avec plaisir, merci. Allez, pour l'invitation comme d'habitude. Allez, on termine sur le thème de l'amour, je vous aime les mecs. Nous aussi, écoute, on t'aime. Moi, je vous connais pas trop, j'ai peur encore, donc je vous aime bien. On se fait juste la bise, ok, ça marche. Je veux pas vous donner ma confiance trop tôt, on sait jamais, je pourrais être surpris. Tu pourrais être déçu. Bon. On vous fait de gros bisous, on vous dit à dans 2 semaines pour peut-être une surprise, on verra si vous êtes sage. Et puis voilà, toujours autour d'un VR. Allez, ciao, bye. Ciao, ciao. Salut. Comment t'expliquer ? C'est pas une expérience. Si tu vois des gens autour de toi, autre que la reproduction de sa fille et elle, si tu veux, l'impact ou la. Si elle l'avait fait en réalité augmentée, ça aurait pas eu le même impact, je pense. Tu vois, c'était Saint-Valentin, ça, la reproduction de sa fille, non ? Ah oui, il en est en plein dedans. Wow. Faut la couper, celle-là. Je suis pas sûr qu'on va la mettre, ça. Aïe, aïe, aïe. Et merde, putain, j'ai perdu. Vas-y. Oui, vas-y. Euh, si, si elle l'avait fait en réalité.